Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur les Xenoto. Alors on se retrouve encore une fois pour débriefer du Grand Prix de ce week-end, le Grand Prix du Mexique, la 20e course de la saison 2025 de Formule 1, remportée par Lando Norris devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Alors on va avoir pas mal de choses à dire évidemment puisqu'il y a eu quand même des rebondissements, une course un peu chaotique. Des surprises, des déceptions, des points positifs qu'on n'avait pas vu venir. Donc voilà, pas mal de choses à aborder. Quelques petits coups de gueule aussi. Vous vous doutez un petit peu si vous avez vu la course. On est deux ce soir pour le faire. Il y a Franck avec moi. Ça va, Franck ? Bonsoir tout le monde. Bah écoute, oui, ça va très bien. Une course un petit peu animée. Ça nous a changé un petit peu des train-train de ces derniers temps. Donc, course qui a été plutôt appréciée par les fans, même si, comme tu l'as dit, pas mal de petites polémiques dans cette course de tondeuse à gazon, en tout cas pour le premier tour. Et puis ensuite, oui, pas mal d'actions en piste, pas mal de choses à dire. Des petits rebondissements, des changements de position, de hiérarchie, des équipes qui progressent, des équipes qui régressent. La Formule 1 qu'on aime, quoi, voilà, ou presque. Exactement, ou presque. Globalement, c'était la Formule 1 qu'on aime, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses très sympas. Merci à Lenou B qui pose son premier message dans le chat. Bonsoir à toi. Merci à Franck F1 qui s'est abonné. Ah oui, merci à lui. Merci à Franck F1. Dommage, on ne le voit pas trop dans le chat, mais bon, merci quand même. Voilà, donc un Grand Prix du Mexique qui a été assez... assez agité, on va pas se mentir. Ça a été, alors pas agité pour tout le monde, hein, puisqu'on a un vainqueur du jour. On reviendra sur les sujets polémiques un peu plus tard, mais on va commencer évidemment, comme d'habitude, vous le savez maintenant, par le vainqueur du jour, Lando Norris, qui s'est fendu d'une très belle qualification samedi et d'une très belle course hier, avec 30 secondes d'avance à l'arrivée. Donc voilà, merci à Sepsante, qui s'est abonné également. Et puis, on parlera d'Oscar Piastri après, mais déjà, Lando Norris, Franck, qui a fait le week-end qu'on attendait de lui depuis quelques semaines ou quelques mois même, peut-être, et qui se replace au championnat au point de prendre la tête pour un point devant Piastri. Oui, magnifique course de la part de... Magnifique week-end, hein, même, de la part de Lando, puisque c'est vrai qu'il nous fait une pole position assez magistrale aussi, avec, je crois, 2,5 dixièmes d'avance sur Leclerc, donc c'est pas rien quand même. C'est un circuit sur lequel c'est pas évident de maîtriser une monoplace, puisqu'il y a quand même beaucoup moins d'air en haute altitude comme ça que sur des circuits plus traditionnels, au niveau de la mer ou un peu au-dessus. Donc c'est, du coup, avec des appuis aérodynamiques un petit peu réduits, il faut savoir maîtriser un peu plus sa monoplace, son grip mécanique. Et il faut dire que Lando Norris a réussi l'exercice autant sur le tour rapide qu'en rythme de course, a vraiment maîtrisé sa McLaren, et je le distingue d'autant plus que Oscar Piastri a souffert de ce côté-là, donc on en parlera après. Donc bravo à lui pour ça, effectivement. On savait qu'il était un petit peu sur la tendance ascendante de son côté, puisque depuis Austin, on le voyait aussi un petit peu plus en verve au sein de McLaren, mais là il a vraiment confirmé que s'il y avait un moment pour montrer qu'il était toujours bien là et bien en lice pour le championnat, c'était maintenant. Et voilà, et puis il profite de faire effectivement un super week-end pour... il avait 14 points de retard, il repart avec un point d'avance, donc rien n'est joué évidemment au championnat encore pour l'instant. Un point d'avance sur Piastri, 36 sur Verstappen. Mm. C'est un week-end, on va dire, parfait pour Lando. Il n'aurait pas pu faire mieux de toute façon, donc rien à redire sur sa prestation. Ouais. Il a pu être un petit peu... chahuté au départ quand même, c'est peut-être le seul point sur lequel il a pu être un peu inquiété, un peu soucieux, puisque il s'en trouve à 4 de fond quand même au premier virage. Mais bon, ça s'est un peu chamaillé entre les deux Ferrari et Verstappen à l'extérieur. Donc bon, lui, il a juste évité les soucis, attendu que tout le monde se replace à sa position après les 2-3 premiers virages pour dérouler sa course. Hein, c'est qu'il n'avait pas non plus besoin d'attaquer à outrance pour s'échapper. Il a pris les secondes qu'il fallait pour se mettre en position un peu confortable pour contrer des undercuts ou une éventuelle voiture de sécurité. Et il a déroulé sa course sans gros problème, quoi. Donc, bravo à lui. Pas grand chose à dire sur Lando, si ce n'est que il a été solide. Oui. J'ai un petit truc à ajouter quand même, c'est que le départ, il a été chahuté, mais compte tenu du fait que c'est la plus longue ligne droite entre la grille de départ et le premier virage, il a quand même réussi à bien limiter la casse en prenant un envol qui était très très bon. Là où les Ferrari ont un peu plus de mal à s'envoler et puis sont un peu gênés avec la Red Bull de Verstappen ensuite. Et finalement, même s'il s'est retrouvé troisième à un moment parce que devant lui ça a fait n'importe quoi, puis deuxième, puis premier parce que les autres ont laissé passer après avoir coupé l'herbe, on y reviendra plus tard, Il a quand même réussi à globalement se retrouver au virage 4 en étant en tête. Et du coup, c'est pas gagné. C'est que la troisième fois depuis l'arrivée du Grand Prix, enfin, le retour du Grand Prix de Mexico au calendrier que le poleman arrive à garder la tête au départ et au premier tour. Donc c'est une belle performance. Et finalement, je pense que c'est là aussi que ça s'est joué parce que c'était un peu ce qui l'inquiétait. Parce qu'on a vu des poleman au Mexique franchir le premier virage en 3 ou 4e place. Donc c'est vrai que ça peut être rapidement piégeux. On va ensuite passer à Piastri, mais il y a une question dans le chat, c'est comment Norris a pu inverser la tendance avec Piastri à ce point-là. On va venir à Piastri après. Je vois que Zohans qui dit les nouvelles pièces ont aidé Norris et Piastri n'en avait pas besoin. Alors il n'y a pas que ça, parce que la dernière nouvelle pièce, elle date de Silverstone. Depuis, on a vu Piastri gagner des courses, on a vu Piastri dominer des week-ends, donc c'est pas que ça. La différence, c'est que depuis le début de saison, on a un Norris qui est beaucoup plus en difficulté avec la voiture au moment de la mettre sur la limite. À la limite de la performance maximale. Et il a appris, depuis le début de la saison, il dit, j'apprends à contourner les problèmes de la voiture et à faire avec pour essayer et à changer mon pilotage pour ne plus les avoir. Ce que Piastri n'a pas eu à faire jusque-là. Et là, aujourd'hui, que Piastri a un peu plus de mal et doit pousser un peu plus dans ses retranchements, il se retrouve face à ses problèmes. Et c'est à lui de le faire. Il l'a dit ce week-end. Stella l'a dit aussi, le directeur de McLaren. Ils ont dit, on lui donne des outils pour qu'il comprenne comment faire avec les problèmes qu'il rencontre, qui sont les mêmes qu'avait Norris à l'époque, en début de saison. C'est mettre la voiture à la limite sans faire de faute en qualification et sans détruire les pneus en course. Et donc du coup on peut passer sur Piastri qui lui a eu un début de week-end cauchemardesque avec des temps vraiment très très lointains de Norris, qui a heureusement réussi déjà à s'en sortir mieux en course, mais qui a affiché un rythme un peu alarmant à des moments, puisque certains runs il était à 7 dixièmes une seconde de Norris. Oui, du coup, ben en fait, ça va faire une transition avec ta réponse, puisque je vais juste rajouter effectivement qu'Andrea Stella a aussi noté que quand il y avait une piste un peu plus glissante, ce qui était le cas à Austin aussi, où Piastri a aussi eu des soucis par rapport à Norris et au Mexique, voilà, avec forcément un petit peu moins de, pour le coup, une piste effectivement qui est très sale, mais aussi moins d'air et donc moins d'appui, quand la voiture doit glisser un peu plus et qu'il faut la gérer un peu plus dans ces conditions-là, Piastri a naturellement un peu plus de mal que Norris a la géré, et ça explique en tout cas en partie le déficit vu sur les deux derniers Grands Prix, en tout cas d'après Piastri, d'après Stella. Donc maintenant ça va être à confirmer effectivement à Interlagos, prochain Grand Prix où il y a quand même plus de grip, même si Interlagos reste un petit peu à circuit, un peu en altitude, on est quand même beaucoup moins en altitude, je crois qu'on est à 700 ou 800 mètres, donc ça, c'est beaucoup moins sensible à ce niveau-là, c'est à peu près comme l'Autriche je crois en termes d'altitude. Donc là, du coup, on verra effectivement si au Brésil, il a vraiment repris son rythme habituel ou s'il souffre encore. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, peut-être McLaren est peut-être parti dans une direction en termes de réglage ou de performance qui est peut-être un peu plus pointue, un peu plus combien, peut-être un peu plus à Norris qu'à Piastri. Parce que bon, il faut quand même bien contrer un certain Max Verstappen avec sa Red Bull derrière qui déboule. Donc, il y a peut-être eu des. C'est le bon mot. Si ce n'est des changements de pièces, puisque voilà, McLaren a vraiment stoppé son développement, peut-être des changements d'orientation en termes de réglage qui rendent la McLaren peut-être plus rapide, mais aussi plus pointue. Donc, ça a été une confirmation à avoir sur un circuit, on va dire, plus traditionnel dans le sens grip et altitude sur le prochain Grand Prix. En tout cas, il n'y a pas péril dans la demeure, même s'il doit être vraiment extrêmement déçu d'avoir perdu toute son avance, hein, puisqu'il était, il avait quand même, je crois, plus d'une vingtaine de points, ça 22 points d'avance sur Norris avant ce doublé Austin-Mexico, et il en sort avec un point de retard, donc c'est pas l'idéal. Maintenant, d'aucuns diront que Zandvoort a été un peu effacé pour Norris, hein, puisqu'on rappelle que Norris a subi une panne moteur très coûteuse à Zandvoort, et que ça remet un petit peu les compteurs à zéro. Donc voilà, à Piastri maintenant de démontrer qu'il est toujours aussi fort mentalement, hein, puisque il le dit, hein, c'est pas une question de mental, en tout cas d'après lui, c'est pas une question de pression, c'est vraiment une question de performance, de rythme, de comprendre ce qui se passe avec la voiture. Donc à notre niveau à nous, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans sa voiture, donc on peut que le croire et croire ce qu'il dit et croire ce que son patron dit. Donc, à voir sur le prochain Grand Prix, effectivement. Si sur le prochain Grand Prix ça continue à mal se passer, je pense quand même que l'aspect psychologique, mental, pression doit jouer, qu'il le veuille ou non, hein, parce que c'est vrai que inconsciemment, un pilote peut aussi dire non, je ne subis pas, mais en fait, quelque part dans son cerveau, on l'a peut-être même un petit peu vu d'ailleurs dans les batailles qu'il a menées hier en piste, Oscar Piastri qui était quand même prudent. Bon, ça, c'est un petit peu logique, hein, voilà, on va pas perdre des points bêtement sur un accrochage avec un pilote qui n'est pas en lutte avec vous pour le championnat. Donc c'est normal qu'on s'y reprenne à deux fois pour tenter de dépasser des pilotes. Je pense à Tsuna notamment, ou à Berman aussi qui a dû remonter. Mais il a quand même été plutôt efficace dans sa remontée, il n'aurait pas pu faire beaucoup mieux. Donc voilà, j'attends de voir à la lumière des déclarations en tout cas qui ont été faites. Piste à faible adhérence et altitude. Qu'au Brésil, ce soit effectivement des facteurs qui soient donc du coup écartés Un peu gommé, ouais. Pour revoir Piastri effectivement à son vrai niveau si c'était vraiment ça, quoi. Moi, je pense qu'il y a quand même une part du mental dans le sens où il n'a pas attendu Austin et surtout Mexico pour pas être bien. On l'a vu un peu à la rue à Singapour, on l'a vu un peu à la rue à Bakou. Ça fait un moment depuis Zandvoort, il n'a pas été une seule fois plus rapide que Norris en course et en qualif. Merci Yann pour le don de bits, puisque du coup ça nous fait un train de live où on ne doit pas en être loin. Merci à toi en tout cas. Et puis c'est vrai qu'on a un Norris. Moi je pense que le mental joue, parce que Piastri a longtemps été celui à qui on disait qu'il était un robot, etc. Ce qu'on disait la semaine dernière déjà. Et aujourd'hui il est un petit peu dans le dur. Et au final on a de l'autre côté un pilote qui est Norris, qui est complètement décomplexé et qui lui arrive à contourner tout ça. Norris qui a eu beaucoup de difficultés en début de saison et qui arrive maintenant à faire avec et à trouver son aisance au volant de la McLaren. Alors c'est vrai que forcément ça joue un petit peu, et moi je pense que le mental joue un peu. On a eu quelques questions dans le chat. Lambeau Diablo demande, est-ce que vous pensez que pour son mental, ça a aidé Piastri de se battre comme un chiffonnier sur la piste? En tout cas, je ne sais pas si ça l'a aidé, mais je sais pas ce que tu as pensé, Franck. Moi, j'ai trouvé qu'on retrouvait un Piastri combatif qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Oui. Avec un vrai... Par la force des choses aussi. Hein. Ouais. Mais j'ai trouvé un peu plus. Effectivement, j'ai trouvé un peu plus sûr de lui quand il attaquait, ce qui est déjà un bon signe. Parce qu'un pilote qui n'est pas sûr de lui, il attaque un peu de manière foireuse. Là, ses attaques, elles étaient calculées, réfléchies et nettes quand il les a faites. Après, c'est toujours plus facile en rythme de course qu'en qualification. Hein, puisqu'en rythme de course, vous devez adopter un rythme qui vous permet de maintenir les pneus sur une fenêtre de nombre de tours estimé par l'équipe. Donc, vous n'êtes jamais à l'attaque à 100%, loin de là. Hein, sur un rythme de course, vous êtes à 95-97%, on va dire, du rythme possible des pneus, on va dire. Pour vous donner une idée, au moment où Piastri est derrière les Mercedes, il est en moyenne une seconde de plus lent que Norris autour. Ouais. Qui n'est pas lui à fond. Donc forcément, c'est toujours plus facile quand vous n'êtes pas obligé d'être à fond. Pour effectivement mieux gérer ça. Mais oui, je pense que ça l'a stimulé un petit peu, hein, ce genre de position. Hein. Il partait quand même qualifié 8e, partait 7e. En plus, il ne prend pas un super départ, donc je crois qu'il perd une ou deux places, il me semble, au départ en plus. Donc, je crois qu'il se retrouve 9e dans le genre. Donc, il finit quand même 5e, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 5e. Et du coup, ça reste quand même une remontée un petit peu marquée par de bonnes batailles, je trouve. Donc, oui, peut-être pour moi, pour le moral, en tout cas, ça doit vouloir dire que bah voilà, il est là, quoi. Maintenant, être là, c'est une chose, être devant, c'est une autre. C'est ça. Xoan se demande un avis sur l'interview de Gasly qui dit que de son point de vue, il trouvait Norris avantagé par McLaren sur la saison. Bah écoute, je vais tenter de te dire, comme tous les gens qui disent ça, je ne sais pas pourquoi ils le disent. Grosse théorie du complot quand même. Hein. Donc on sortira un article, un resté là qui a répondu sur ce point-là, qui sortira demain. Non, mais alors c'est clair qu'il y a certains quand même qui disent que Norris doit être un peu favorisé par McLaren, sauf que les fans mexicains ont quand même voilà qui ont hué Norris sur le podium, parce qu'il y a eu un sondage lancé par les Mexicains, enfin un média mexicain je crois, qui disait que voilà, depuis enfin l'affaire de Monza en fait avec l'inversion des places des pilotes suite aux arrêts, ça montrait que voilà Norris était favorisé par McLaren. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, pour ceux qui n'avaient pas l'explication, ça a été donné sur le site, donc c'est pour ça que Norris aurait été hué en masse par le public mexicain. Ah oui, voilà. Le problème, c'est un peu McLaren qui s'est tiré une balle dans le pied. Hein. C'est qu'en fait, en voulant trop jouer l'équité, du coup, en intervenant trop souvent pour rétablir des positions ou pour assurer une équité juste, bah, tout le monde, En tout cas, le public non averti qui creuse pas, bah voilà, comme vous, qui allez lire 10 articles par jour sur Next Gen Auto pour avoir tous les points de vue et tous les remous, et tous les changements de point de vue d'ailleurs d'un jour à l'autre. Hein, Et on parce espère que, que vous le faites. voilà, on en reparlera tout à l'heure de Red Bull sur les changements de point de vue en 24 heures. Ah. C'est très marrant aussi. Mais voilà, pour tous ceux qui ne suivent pas très assidûment les déclarations, bah voilà, de l'extérieur, ils branchent leur télé le dimanche. Et ils se disent, ouais, effectivement, McLaren, ils ne font que intervenir pendant les courses, ils ne font que régler les positions des pilotes, et du coup, ça peut donner le sentiment de favoritisme envers l'un ou envers l'autre. Ce que je comprends totalement. Et ça, donc, du coup, ça concerne, on va dire, 80-90% de l'audience, peut-être. Mais pour les fans Ouais. très avertis qui viennent se renseigner vraiment entre les courses, lire les déclarations, les commentaires avant les courses, surtout le jeudi, après les courses, le lundi, on voit quand même que c'est quand même beaucoup plus nuancé, qu'il y a vraiment une volonté, en tout cas affichée, clair de ne pas favoriser de pilote. Après, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait, est-ce que c'est maladroit, c'est autre chose. Moi, je dirais plutôt que c'est maladroit et que ça donne effectivement une image, effectivement, pas d'un championnat manipulé, parce que certains commencent à le ressentir comme ça, mais une certaine maladresse en fait que McLaren a. Je pense que McLaren a voulu intervenir trop tôt sur des toutes petites choses qui n'auraient peut-être pas dû nécessiter d'action. Par exemple, je pense notamment, je divague un peu, mais sur la répercussion de Singapour, voilà, la petite touchette que Norris a eue sur Piastri, parce qu'il a touché Verstappen, je veux dire, pour moi, il n'y avait même pas de raison d'aller plus loin avec Piastri et de mettre une répercussion sur Norris. Mais alors Je veux ça, dire, voilà, ça reste un fait de course, ça peut arriver, et voilà, il n'y a aucune volonté, et même du coup le contraire, le sprint d'Austin, voilà, Piastri n'a pas cherché à sortir Norris parce qu'il s'est fait sortir par Hülkenberg. Et voilà, ça aussi, c'est un fait de course. Donc, et là, en fait, en voulant trop intervenir sur des toutes petites choses, des choses qu'on ne voyait peut-être pas forcément, on a l'impression effectivement d'un championnat un peu manipulé pour le, je vais pas dire le commun des mortels, mais le fan, voilà, le fan qui ne lit pas 100% de ce qui se passe en F1. Et oui, mais à Singapour, justement, il y a des répercussions sur Norris. Et il faut bien se rendre compte que s'il y a des répercussions sur Norris, déjà, un, ce qui n'est pas favorisé. Et deux, c'est pour faire plaisir à Piastri. Parce que Piastri se sent lésé. Donc, je vois pas en quoi on dit ça. Je vois Yves qui dit le coup de l'arrêt au stand loupé, on demande à l'autre pilote une action pour compenser. Mais je rappelle que l'arrêt au stand loupé à Monza vient après une faveur faite à Piastri. On le dit chaque semaine. C'est Piastri qui est autorisé à s'arrêter avant et l'arrêt de Norris qui s'arrête après est raté et ça lui fait perdre la place face à Piastri, ce qui n'aurait jamais dû arriver si il s'était arrêté dans l'ordre logique des arrêts de l'équipe. Donc c'est une faveur de Piastri qui déclenche toute la réaction en chaîne que McLaren finit à la fin par compenser. Néanmoins, moi je suis d'accord avec toi, c'est de la maladresse totale puisqu'en fait ils ont communiqué de manière, ils ont en fait le problème de McLaren, il est très clair, c'est que ils ont commencé à faire ces choses-là. Alors la manipulation déjà, faut le mettre tout de suite à côté, c'est-à-dire que c'est leur championnat, ils font ce qu'ils veulent, donc c'est pas de la manipulation. S'ils décident de faire ce qui est de l'inéquité, il faut une équité. De la même manière que on parlait pas de manipulation quand une équipe choisissait un pilote, quand Red Bull choisissait Vettel en numéro 1 ou Verstappen en numéro Tout 1, à fait. on parlait de manipulation quand Barrichello devait freiner sur la ligne pour laisser gagner Schumacher, parce que ça c'est de la manipulation, surtout quand il a 8 secondes d'avance. Mais là, c'est pas de la manipulation, c'est un choix de dire on leur laisse une équité, pas une égalité, une équité. Cependant, la communication a été faite et lancée comme ça au moment où ils étaient l'équipe seule en tête. Ils avaient personne d'autre dans les rétros, donc c'était facile à gérer. Là, maintenant, c'est vrai que derrière, il y a un troisième pilote qui est bon, un peu plus loin quand même, mais dont il faut se méfier et qui forcément pose un peu problème dans cette dynamique. Je nuancerais quand même l'aspect de Monza, c'est qu'on a quand même eu le débat même entre nous de savoir est-ce que un arrêt lent devait être compté comme un accident de course devant favoriser un autre pilote ou pas. Et ça. Lequel? Bah, le fait que l'arrêt lent de Norris a été décompensé par McLaren, Oui. ça reste un débat qui reste ouvert, hein. Je suis désolé. Mais oui, Même mais en fait, si ouais, on comprend pourquoi McLaren l'a fait, à pour beaucoup partir de du moment, fans. ouais, dans ces cas-là, il faut aussi demander pourquoi Norris, pourquoi Piastri a eu le droit de s'arrêter avant. Posons aussi pourquoi on n'a pas cassé un moteur à Piastri aussi, à présent de voir Voilà, qui mais pense. après, et moi en fait, ce qui m'énerve, c'est que du coup, je vois des trucs sur les réseaux sociaux, des réseaux qui sont totalement débiles. Les gens disent, oui, McLaren sape les arrêts de Piastri. Alors déjà, arrêtez avec ça. Parce que les arrêts au stand, c'est les mêmes équipes qui les font sur les deux pilotes, hein, c'est les mêmes personnes, puisqu'en fait, il y a une équipe d'arrêt au stand pour la course. Et ce sont des arrêts qui se font entre 2 et 3 secondes, 4 secondes quand ça va pas bien. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui prend le temps de perdre une seconde, en fait. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de croire que les équipes disent là, vous allez faire un arrêt de 4 secondes. Ça marche pas comme ça. Le but, c'est de faire un arrêt en moins de 2 secondes. Et après, si ça marche pas, il y a un souci, ça perd. Mais arrêtez de penser qu'il y a ça parce que c'est pas des manipulations. Et là, c'est de la théorie du complot pure et simple. Ensuite, Apo se dit, les répercussions étaient en fait là depuis le Canada. Oui, alors ça, c'est ce qui a été dit aussi, mais je sais pas, ça n'a jamais été confirmé par McLaren en tout cas. Il y avait une autre question sur laquelle je voulais revenir, on va peut-être pas faire toute l'émission sur Piastri et Norris. C'était comment, Xoan, je crois qu'il demandait comment l'équipe client de Mercedes peut réussir à avoir très très peu d'aération sur son moteur, et Mercedes qui a conçu ce moteur se retrouve avec des ouïes de cette taille-là sur le côté de ses voitures. Et ça rejoint exactement, on en a parlé ce week-end, donc je vais te laisser la parole. Ça rejoint une info qu'on vous avait donnée en début de saison, qui se Oui. confirme en fait sur ce genre de Grand Prix, sur la manière dont le moteur est packagé dans la McLaren et sur le travail et l'avantage qu'avait McLaren. Steve, voilà, je te laisse Oui, il y a compléter. un vrai travail de packaging qui a été fait effectivement autour du moteur Mercedes. Donc il n'y a pas, ouais, c'est pas des radiateurs standards. Hein, genre McLaren, enfin Mercedes ne vend pas à Williams, c'est à McLaren. Il y a peut-être à Alpine l'année prochaine, voilà, des radiateurs aussi qui vont avec son moteur, à positionner de telle façon, à intégrer de telle façon, avec tel angle, tout ça. Ça, c'est vraiment du ressort de l'équipe. On dit juste à l'équipe, voilà, notre moteur, il a besoin de fonctionner à telle température en constant. Voilà. C'est la température de fonctionnement idéale au maximum du moteur. Sur un tour, sur des longs relais, voilà, vous avez l'info. À vous de calibrer votre châssis, votre aéro, votre refroidissement, pour que ce moteur voilà, tourne à telle température maximum en constant. À partir de là, les équipes se débrouillent. Chez McLaren, ils ont quand même un système, on avait parlé un petit peu de système de refroidissement un peu plus innovant, avec je sais pas si une circulation de fluide apparemment, effectivement, voilà, qui va un peu partout dans la monoplace, et notamment aussi vers l'avant du cockpit, ce qui permet effectivement, voilà, de répartir un peu plus les liquides. Et du coup de mieux les refroidir. Donc il n'y a pas que les deux radiateurs, radiateur d'eau, radiateur d'huile, hein, voilà, ça dépend aussi des moteurs. Je sais que pour certains monoplaces, ils avaient un radiateur d'eau sur le côté et un radiateur d'huile sur l'autre. Certains ont deux radiateurs d'eau et un plus petit radiateur d'huile. Tout dépend effectivement du packaging que vous faites sur les pontons, sur l'aération. Et donc du coup, effectivement, chez McLaren, ils ont un refroidissement supplémentaire. Voilà, sur le moteur, et aussi au niveau central aussi, je crois. C'est au niveau du pilier central aussi, il me Oui. semble aussi qu'il y a une partie de refroidissement. Donc ce qui fait qu'en fait toute la partie aération radiateur est répartie entre guillemets sur de nombreuses surfaces. Là où d'autres équipes effectivement se concentrent uniquement sur les pontons, quoi. Ce qui veut Et là. dire que pour extraire la chaleur, et bien, vous êtes obligé d'ouvrir derrière les capots moteurs ou élargir le capot moteur sous l'aileron arrière. Ce qui là, c'est le pire, hein, c'est là que vous perdez plus d'appui. Maintenant, les équipes évitent de le faire, hein. Elles ouvrent plutôt effectivement sur le côté du capot moteur, parce que quand vous élargissez trop à l'arrière, vous perdez de l'appui avec le diffuseur. Donc voilà. Sauf Red Bull qui a dit qu'ils ont fait un choix compromis entre les deux en ouvrant un peu plus à l'arrière, c'est pour ça qu'ils avaient un nouveau capot moteur ce week-end, Oui. et en ouvrant aussi un peu les ouïes parce qu'ils ont dit si on ouvre trop les ouïes, on perd trop de performance aéro et parce que la voiture en fait est faite comme ça au niveau du flux d'air. Mais c'est vrai que globalement, quand vous voyez les voitures à l'arrière qui ont un capot avec une très très grosse ouverture, quand vous avez la vue de l'aileron arrière, généralement c'est pas bon signe, c'est que le packaging n'est pas bien fait. Alors on a deux questions dans le chat qui sont intéressantes. Sobriété délicate demande, les ingénieurs Mercedes ne voient pas le l'intérieur de la McLaren quand ils intègrent le moteur. Et Pas du Lambo tout. Diablo demande si c'est pas des ingénieurs McLaren. Alors en fait ils ont des ingénieurs exploitation moteur de Mercedes qui sont avec eux dans l'équipe pour gérer le fonctionnement du moteur et gérer la manière dont le moteur est exploité. Mais la conception de la voiture et son Oui. intégration du moteur, en gros, Mercedes fournit un schéma, on va dire, pour faire assez classique, de son moteur avec des points d'ancrage. Donc les points d'ancrage sont à tel, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. McLaren a ces infos-là et eux, à partir de là, ils décident qu'il y a certains éléments qui peuvent être un peu mobiles, qu'on peut déplacer légèrement. Donc ils vont essayer de les mettre autrement. Et de là, ces points d'ancrage, à partir de ces points d'ancrage, ils vont packager le moteur dans la voiture et packager la voiture autour du moteur surtout. Mais les Alors on parle, ingénieurs. juste on parle de points d'ancrage des accessoires du moteur, parce que les points Oui. d'ancrage du moteur au châssis, eux, sont standardisés. Oui. C'est toutes les équipes doivent avoir le même point d'ancrage pour pouvoir passer justement plus facilement d'un motoriste à un autre. Voilà, Exactement. désolé. Non mais c'est très bien de le préciser. Et effectivement, les points d'ancrage accessoires qui sont souvent d'ailleurs le fait que les constructeurs peuvent prendre un avantage sur les clients quand on change de réglementation parce que ou quand il y a un nouveau moteur qui est créé, parce que justement, ils savent déjà par avance où ils seront, où le moteur sera dans la voiture. Néanmoins, les ingénieurs de Mercedes qui vont travailler avec McLaren ne vont pas du tout avoir d'infos sur la conception de la voiture, seulement sur l'exploitation pure, c'est-à-dire les données qui ressortent de l'exploitation du moteur, en fait. Maintenant, c'est sûr qu'au bout d'un an, on va passer dans le garage, avoir le capot moteur enlevé et à oui. construire des construire les voitures. Le mec de Mercedes, il a forcément une petite idée un petit peu de comment fonctionne le refroidissement de la McLaren et a peut-être certainement refiler quelques petites idées pour la monoplace 2026 de Mercedes, si effectivement l'astuce de McLaren en termes de refroidissement est viable pour le règlement 2026, et certainement, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas. Donc je ne serais pas étonné qu'en 2026, Mercedes refroidisse un petit peu mieux son moteur à la manière de McLaren. Ça, ça vous ne pouvez pas l'éviter, vous êtes obligé d'avoir un ingénieur motoriste, enfin même plusieurs ingénieurs motoristes de votre constructeur, oui. avec vous dans le garage. Donc, c'est ça, il n'y a pas le choix. Ça, vous ne pouvez pas lui bander les yeux. Hein, voilà. Non. Mais c'est vrai qu'après, ils sont quand même dans une pièce à part, ils ne sont pas directement dans le garage. Oui. Donc voilà, souvent, ils n'ont pas la vision très proche du moteur. Xoan se dit le moteur Mercedes n'a pas changé de ce point de vue-là depuis plusieurs saisons avec le gel. Donc McLaren le connaît bien. Et c'est vrai que les équipes ont cet avantage-là actuellement. Ce qui sera un peu plus compliqué l'an prochain pour les clients, c'est que les moteurs n'ont pas changé depuis longtemps. On est sur la quatrième saison des châssis en cours. Donc forcément, ça aide aussi à optimiser l'ensemble, on va dire. On attend avec impatience la solution d'intégration du moteur Mercedes chez Alpine. Ils le mettront à l'avant. Ils vont tenter le moteur à l'avant. Effectivement. Info en scoop. Les boîtes de vitesse à l'arrière et roue arrière motrice, comme ça, ça ne bougera pas. Mais non, mais oui, c'est vrai que. Bah, en même temps, faut pas oublier que c'était Enstone qui avait mis le Kers à l'avant hein, dans la R29. Oui. C'est une connerie, hein, ça ne marchait pas du tout. Comme quoi, hein, finalement, on n'est pas si loin de la vérité. Non, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'était. En plus, c'était pas très gracieux, mais c'était surtout pas très efficace. 4 roues motrices la prochaine Alpine. Ouais, exactement. Ah, pas oublié, ça avait été réfléchi. Hein. Donc voilà, en tout cas, bon, on va avancer un petit peu parce qu'on a déjà fait, 20 minutes sur McLaren. Néanmoins, voilà, un Norris qui prend un peu les devants et qui prend un peu la bonne dynamique, on va dire, pour se poser en favori fragile évidemment pour le titre, puisqu'il reste encore 4 courses plus 2 sprints. Donc forcément, ça reste encore bien disputé et le Brésil sera évidemment un week-end assez tendu parce que là-bas, ça dépasse beaucoup aussi. Donc il faudra. Encore un week-end assez dangereux, on va dire. On va passer à Ferrari. Alors, j'imagine que tu es très content que nous abordions Ferrari aussi tôt dans l'émission. Oh, j'aurais préféré plus tôt, mais bon. avec la deuxième place de Charles Leclerc, un nouveau podium pour le Monégasque. Lewis Hamilton s'est très bien qualifié. Une pénalité, alors... On y reviendra un peu plus tard sur la pénalité elle-même parce qu'on vous fera un petit package FIA un peu plus tard. Mais globalement, ce qu'il y a à noter chez Ferrari, c'est surtout des progrès. C'est la première fois qu'on les voit depuis très longtemps aussi performants sur un tour et en rythme de course. Deux podiums de suite quand même hein, au style Mexico, donc c'est bien. Et à chaque fois, les deux mêmes points forts soulignés par Leclerc et aussi par Hamilton d'ailleurs, c'est que les progrès sont surtout... du côté de l'exécution, voilà, c'est vraiment l'opérationnel, l'exécution qui a, en termes de gestion du week-end, qui a vraiment été bien travaillé, voilà, puisque on sait qu'Hamilton, mais aussi Leclerc ont un petit peu tapé du poing sur la table sur le fait que il fallait gérer différemment, notamment les tours de rentrée et de sortie en qualification, le moment où on partait, ce genre de choses, voilà, donc ils se sont un petit peu plus imposés là-dessus, certainement peut-être aussi sur les bouleversements de réglage aussi, peut-être qu'il y a un peu moins de prise de risque aussi, voilà, qui permet d'avoir moins de surprises de dernière minute en qualification. Et comme vous savez qu'on est en part fermée après les qualifications, ben, on reste un petit peu scotché avec les réglages qu'on a. Donc voilà, c'est vraiment les points forts, hein, puisque la Ferrari n'a pas du tout évolué, n'a pas vraiment de nouvelles pièces voilà, autres que celles qui sont nécessaires pour le refroidissement au Mexique. Mais sinon... Voilà, ce n'est vraiment qu'une question d'exploitation. Après, on sait que la Ferrari aime bien ce genre de circuit, d'altitude aussi. Hein, parce que on voit aussi la performance de la Haas derrière avec le moteur Ferrari qui fonctionne bien. Donc on se dit que le moteur Ferrari en altitude, ça marche bien. Donc ça veut dire que le turbo est certainement très bien étudié pour fonctionner à haute altitude. Puisque c'est que, voilà, le principe du turbo, c'est de compresser l'air au mieux. Et donc ça veut dire que même dans un air raréfié comme celui du Mexique, bah, le moteur fonctionne toujours très bien, donc ça c'est vraiment un avantage côté V6 turbo hybride de la Scuderia. Mais voilà, ça fait un an aujourd'hui que Ferrari a remporté sa dernière victoire. C'était au Mexique l'an dernier avec Carlos Sainz. Bon, cette année c'était clairement pas possible hein, parce que McLaren était vraiment un pas au-dessus, pour ne pas dire deux, Donc au Mexique, à moins d'avoir pris l'avantage au départ et encore, je pense que avec le DRS ou autre, Norris serait repassé peut-être assez rapidement devant Leclerc. Scuderia n'aurait pas fait beaucoup mieux, donc enfin avec Leclerc en tout cas, c'est sûr. Donc voilà, donc très très bonne exécution de week-end, de suite. Hein, voilà, on s'en réjouit quand même un petit peu pour les fans de Ferrari, ce qui permet du coup ben, là, la Ferrari de reprendre la deuxième place du championnat pour un point devant Mercedes. Et Hamilton aussi qui était encore dans le coup. Hein, voilà, c'est comme à Austin, Hamilton était vraiment nouveau dans le coup. Donc là, il confirme aussi que voilà, il commence à vraiment voilà, le fait de le dire et le fait de le faire, c'est pas la même chose. Et là, Non. vraiment, il confirme deux fois de suite qu'il a pris la mesure de la SF25 aussi. Il n'est pas tout à fait au niveau de Leclerc, mais il en est quand même vraiment très proche. Donc sur la grille de départ, ça donnait l'espoir voilà, de faire un premier podium pour lui, pour chez Ferrari, hors son sprint en Chine. Mais voilà, comme on l'a dit au tout début, voilà, effectivement, au départ, ils se gênaient un petit peu tous les deux. C'est toujours très difficile de calculer les départs, évidemment, puisque vous pouvez savoir comment le leader va se positionner. Donc les deux profitent de l'aspiration de Norris, mais au final, au moment de prendre l'avantage, bah, il se gêne plus ou moins. Voilà, donc du coup, c'est Verstappen derrière qui essaie d'en profiter, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le départ hein, non plus. C'est Non. très, très difficile de le calculer. Très intelligent le départ de Hamilton qui vraiment prend d'abord l'aspiration de Leclerc qui a eu du mal à s'élancer, ensuite récupère directement le. Il fait un peu ce qu'on appelle le ceiling shot vers le Norris et franchement il se retrouve rapidement à la hauteur de Norris. C'est ça, et puis bon, Hamilton, après derrière, je sais pas quand est-ce que tu veux qu'on aborde le chapitre Ben, alors moi j'irais ce qu'on avait. Verstappen On a eu FM, on va la tarder. question. On a eu la question. Pour moi, la pénalité. On va juste aborder déjà la pénalité d'Hamilton. Pour moi, elle est justifiée. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi. Oui, pas, Pour moi. le montant me semble absolument un peu gargantuesque, on va dire. Ouais, mais c'est vrai qu'il ne suit pas les directives du directeur de course sur le Alors, retour en piste. il tente de la suivre, Ouais. sauf que les commissaires, effectivement, ont reconnu que c'est très poussiéreux, que c'était difficile avec la vitesse d'entrée qu'il avait, bah, il pouvait pas y aller, donc il est passé par l'herbe. Et j'ai Là, tendance à effectivement. penser, quoi qu'il ait dit, qu'il était un peu excédé par ce qui venait de se passer. Oui, c'est possible aussi. Donc, bon, voilà, au lieu de. Voilà, il passe par l'herbe, effectivement, il coupe un peu plus que ce qu'il aurait dû couper, voilà, en essayant de dépasser Verstappen. Et du coup, voilà, il coupe, il freine pas du tout derrière, voilà, il se prend quelques secondes d'avance, et puis voilà, jamais il ne compte effectivement se remettre au moins au niveau de Verstappen. Peut-être pas le laisser passer, mais au moins voilà, laisser Verstappen revenir sur lui. Bon, après, Berman était passé, donc c'était encore plus compliqué. Mais voilà, il en profite vraiment en termes d'avantage, c'est sûr. Alors, 10 secondes, je trouve que 5 aurait été un petit peu plus approprié. Ça, c'est mon avis peut-être de ferrariste. Là où j'ai plus de mal quand même, c'est l'attaque de Verstappen sur Hamilton au premier virage, où en fait l'enquête elle est ouverte, c'est comme tout le monde croyait, c'était l'enquête sur Verstappen, mais non pas du tout. De toute façon, L'enquête était bien sur Hamilton, hein, donc parce qu'il n'a pas laissé la place à Verstappen au premier virage, parce que on retombe dans nos vieux travers des dernières années où Verstappen, bah, il sait très bien quel est le règlement. C'est-à-dire qu'il faut essayer de placer son train avant au niveau du train arrière ou devant le train arrière d'Hamilton et donc du coup le plus proche possible du train avant d'Hamilton. Et du coup, l'enquête, c'est Hamilton qui n'a pas laissé de place à Verstappen. Heureusement que là, c'est sans suite parce que là, franchement, ça aurait été vraiment une. Déjà, le fait d'ouvrir une enquête contre Hamilton sur cette action-là. Ça m'a un peu chiffonné quand on a compris le sens de l'enquête. Ben. S'il avait été pénalisé pour ça, je trouve que ça aurait été là pour le coup wow, vraiment une injustice dont on parlait encore très très fort, je pense, à cette heure-là dans Ah ben. diverses réactions. Je serais encore en train de gueuler déjà. Et Voilà. pour moi, le problème, c'est que là, à ce niveau-là, les commissaires de course, ils doivent plus. C'est pas des lunettes qu'il leur faut, c'est un labrador. C'est-à-dire que Verstappen arrive, il est quasiment jamais devant. Ils sont à la même hauteur, mais son train avant, son museau dépasse celui d'Hamilton de. Allez, 10 cm au point de corde. Donc, ce que Hamilton ne peut pas prévoir au moment où il prend sa trajectoire, puisqu'il est devant à ce moment-là. Et ensuite, Verstappen. Donc, il laisse la place quand même à Verstappen, puisqu'il lui laisse la place. Et Verstappen le percute, parce qu'il perd le contrôle du train arrière, ce qui est quand même le signe qu'il a tourné trop vite, puisqu'il perd l'arrière de sa voiture en prenant le virage. À quel moment, déjà, à quel moment c'est pas Verstappen qui est responsable? À quel moment c'est pas Verstappen qui est sous enquête et à quel moment Verstappen n'est pas puni. Parce que, comme tu me l'as dit très justement hier, pour adoucir leur truc et dire en gros on met pas de pénalité sur l'enquête du premier virage et tout ça, la FIA repart 4 ans en arrière. Moi, pour moi, c'est un retour en arrière de 4 ans. Alors, on va peut-être lancer la FIA maintenant et on passera à Red Bull après. De toute façon, je pense que Ferrari, on a fini. On va bouleverser le programme qui était prévu, mais c'est pas grave. Puisque la FIA, on a pas mal de choses à dire, à commencer par ses décisions. Alors, moi, je suis lancé, j'y vais, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Carlos Sainz. Il faut des gens qui soient réguliers et qui connaissent ce putain de règlement. Parce que personne ne connaît ce règlement. Il y a un règlement. Alors, à cause de Max Verstappen, parce que je rappelle que c'est de sa faute à lui, on a fait du règlement des modifications. Depuis 10 ans, hein, depuis 10 ans, on modifie les règlements régulièrement à cause de Max Verstappen. Il ne faut pas freiner trop tôt dans la ligne droite, il ne faut pas se décaler au freinage, il ne faut pas tasser les gens, il faut laisser la place. Ça, c'est des trucs qui ont été ajoutés depuis 10 ans à cause de Max Verstappen. À l'époque, ce n'était pas encore ça. Ce n'était pas encore présent dans ce règlement. Ensuite, une fois que Verstappen a commencé à contourner les règles qui avaient été ajoutées pour lui, on a fait des directives de course. Donc on a dit, ça va être... Alors parce qu'évidemment, vu que Verstappen, son playbook est toujours le même, c'est soit je me mets à l'extérieur et je passe hors piste, soit je me mets à l'intérieur et je pousse la personne qui est à côté hors piste. Et bah du coup, on a dit, on va faire des directives de course qui décident de qu'est-ce qui se passe selon qui est devant au point de corde. Ce qui est une connerie monumentale. Parce qu'en fait, la seule règle qui devrait prévaloir, ce serait celle de dire... On met un pilote en piste et à côté de lui, s'il y a une voiture, il doit lui laisser la place. Il n'y a pas d'autre règle. Il n'y a pas d'autre règle. Et en fait, on a fait ces directives. Alors, un coup, c'est il faut qu'il soit devant au point de corde. S'il est devant au point de corde, c'est son virage. Et si c'est son virage, il a le droit de foutre l'autre au tas. Mais si ce n'est pas son virage, il faut qu'il freine. Donc, ça n'a aucun sens parce que du coup, c'est jamais appliqué pareil. Il n'y a pas deux applications similaires parce que pourquoi ? Il n'y a pas deux situations similaires non plus. Et donc, les commissaires essaient de légiférer sur quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne sont causés, je le rappelle, que par une seule personne. Parce qu'à chaque fois qu'on doit sortir des directives de course, ça implique Max Verstappen. Il n'y a pas d'événement comme ça avec les autres pilotes. Les autres pilotes se laissent la place, les autres pilotes ne se foutent pas dehors, les autres pilotes savent se battre sur plus d'un virage. Et j'ai été un petit peu violent hier sur les réseaux sociaux en disant que Max Verstappen était débile. Mais je le pense vraiment, c'est-à-dire que quand il est dans une bataille à deux pilotes, je trouve qu'il perd de ses capacités mentales. Et je suis impressionné parce que pour moi, sur tous les autres aspects du pilotage, tous, c'est le meilleur pilote c'est le meilleur pilote du plateau. Je suis d'accord à le dire, il n'y a pas de débat. Mais sur les batailles en piste, à 1 contre 1, il n'est même pas dans la moyenne haute. Pour moi, il n'est même pas dans le top 10. Il est incapable de se battre sur plus de 2 virages avec un pilote. Il faut qu'il foute la personne dehors parce qu'il a un ego qui lui permet de tout faire. Et la FIA, je reviens à elle, valide ça en disant « c'est de la faute d'Hamilton, il n'a pas laissé la place ». À quel moment Hamilton doit laisser la place alors que quand ils sont à 5 mètres du point de corde, Hamilton est encore devant. Moi, c'est la question que je me pose. Et du coup, à quel moment on va dire à Verstappen « stop » ? Parce qu'on lui avait dit « stop » l'an dernier, il a pris 20 secondes au Mexique, tout le monde a dit « oh, c'est un peu sévère ». Mais c'était sévère, pourquoi ? Parce qu'il a fait de la merde, exactement pareil. Il fout Norris dehors. Enfin non, il attaque Norris à l'extérieur, il n'a pas la place, il décide de couper, il ressort devant. Et quand Norris le dépasse, il le fout dehors parce qu'il n'a pas envie de le laisser passer. Et donc, ça, c'était l'an dernier. On dirait que c'était sévère de lui mettre 2 fois 10 secondes. Cette année, il fait la même chose et c'est lui qui est la victime. Donc, la FIA revient en arrière. Alors, moi, ce qui m'inquiète vraiment, et je te laisse la parole après parce que je l'ai assez prise. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les 4 dernières courses. Parce que là, on arrive sur les 4 dernières courses. Max Verstappen a 35 points de retard sur le deuxième, 36 points sur le leader. Il sait qu'il a rien à perdre. Il sait qu'il peut quand même être champion du monde. Et il arrive dans une dynamique où il est tout puissant. La FIA lui laisse tout faire. Donc, on se retrouve exactement comme il y a 4 ans avant le Brésil. 4 ans avant le Brésil, au Brésil, je rappelle qu'il a foutu Hamilton hors piste de 15 mètres pour pas le laisser passer. Et il n'a pas été pénalisé pour ça. Donc, et après ça, il est allé à Jeddah, il avait fait un break test à Hamilton à 300 km/h. La FIA lui a mis que 5 secondes pour ça. 10 secondes. Donc, la question que je me pose, c'est 1. Est-ce que la FIA veut un drame ? Ça, ce sera le deuxième volet de la FIA puisqu'ils en ont invité un hier. Et 2. Pourquoi ? Et là, peut-être que tu pourras me répondre, mais pourquoi Max Verstappen a cette immunité et cette impunité ? Moi, je ne comprends pas pourquoi on en est là. T'aurais dû me compter 5 minutes de plus, j'avais mon poulet frit qui était presque prêt du coup dans le four. Écoute, si tu veux, alors je peux être lancé sur ce sujet sans problème. Sans problème. Pourquoi l'immunité ? Compliqué. Compliqué l'immunité. Alors déjà, pour le coup, on se dit que le fait qu'il soit plus ou moins dans la bataille pour le titre cette année, peut-être que la FIA ose moins. Du coup, le pénaliser, parce que voilà, si tu le pénalises maintenant, c'est un petit peu la mort de la bataille à 3. Clairement, je pense que ça doit un petit peu jouer dans la tête des commissaires. En tout cas pour cette année. C'est dramatique. Ah oui, non, mais c'est dramatique, mais après, c'est humain. Hein, je veux dire, tout le monde préfère une bataille à 3 qu'une bataille entre deux pilotes d'une même équipe. Ça, c'est évident. Donc, tu peux pas éluder cet aspect-là, même si voilà. On n'est pas là pour juger ça et en faire une certitude, mais ça doit jouer quelque part dans leur conscience. Après, malheureusement, oui, il y a ce fameux document des guidelines, voilà, qui ne sont pas vraiment un règlement, mais plutôt une méthodologie, un guide. Hein, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit juger les actions, qui ont fait que, comme tu l'as dit, ces actions en fait ont été validées par le voilà, par des précédents et des précédents et des précédents et des précédents, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, il a réussi à se forger une impunité, une méthode, c'est vraiment une méthodologie, hein, c'est vraiment une méthode d'action en piste. Où, effectivement, comme tu l'as dit, lui se battre roue contre roue pendant 3-4 tirages de suite, ok, c'est peut-être sympa pour le panache et il le fait peut-être en sim racing, mais en F1, tu ne verras jamais faire ça, ou très rarement. Mmh. En tout cas, j'ai pas souvenir sur des exemples très récents. Et lui, il s'est dit, voilà, on m'a donné un règlement, on m'a donné une boîte à outils. On parlait de la boîte à outils de Piastri tout à l'heure, et la boîte à outils de Verstappen, c'est, le règlement dit que je dois glisser mon train avant à la corde devant mon adversaire. À partir de là, le virage est à moi. Sauf que, et là, en fait, c'est là que je comprends pas, c'est que normalement, le pilote doit faire ça tout en étant maître de son véhicule. C'est la base du règlement. Ouais, et pour le coup, effectivement, c'est à la limite du dive bomb quand même, c'est pas un vrai dive bomb, il aurait été vraiment plus c'était le freinage, on va dire presque parfait, sauf que effectivement il peut pas laisser l'espace d'une voiture. Sauf qu'il percute la voiture à côté, ouais, franchement. Ouais, c'est ça. Et moi pour le coup, c'est vrai que j'étais hyper étonné de voir que c'était Hamilton qui était sous enquête et pas Verstappen. Donc voilà, la panne de cerveau à la FIA sur ce coup-là. J'ai envie de dire, j'espère que c'est un one-off. Parce que pour ces derniers temps, ça a été plutôt bien jugé, en tout cas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un gros retour en arrière sur un cas précis. Donc sur ce cas-là, de ce dépassement-là, j'ai envie de mettre le doute pour l'instant. J'espère juste que ça ne va pas devenir la norme. Maintenant, le problème de Verstappen, c'est qu'il a aussi plus rien à perdre. C'est que voilà, on l'a vu au départ aussi, on va revenir du coup dessus maintenant parce qu'on va aborder Red Bull, on va aborder le départ, on va aborder d'autres choses. J'avais juste, parce que du coup, John Smith me demandait, il me dit on entend tes critiques, qu'est-ce que tu proposes ? Déjà, je propose que vu qu'il y a 19 pilotes qui savent gérer ce règlement et qui savent le faire avec et se respecter en piste, on pénalise celui qui n'est pas capable de le faire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un pilote qui est quand même à 4 points de perdre d'être suspendu d'une course, et on y va, on le pénalise jusqu'à ce qu'il soit suspendu. Il a retrouvé des points d'ailleurs, je crois, maintenant. Ah, il a plus que 6. Oui. Ouais. Il a retrouvé, comme Berman d'ailleurs aussi. Ils ont plus pour le remettre, tant pis. Mais en fait, le problème, c'est que là, il va arriver en fin de saison. Et moi, alors, mark my words, parce qu'il va arriver en fin de saison, il va être donc totalement décomplexé. Le syndrome du tout-puissant, c'est-à-dire que de toute façon, la FIA ne dira rien, je suis le meilleur en piste, et de toute façon, les deux autres en face sont terrifiés, moi j'ai rien à perdre, donc ils vont me laisser la place. Et qu'est-ce qui va se passer s'il y en a un qui décide de faire le con devant? Il va accrocher le McLaren et c'est lui qui va décider du titre pour les deux autres. Parce que c'est comme ça que ça va finir. S'il s'accroche avec une McLaren, on fait quoi? Et ça veut dire que... Alors là, pour le coup, la manipulation de la saison, faudra pas venir chier sur McLaren, hein, faudra chier sur Verstappen directement, parce que c'est lui qui aura manipulé le truc. En fait, on laisse la possibilité à ce mec d'interférer. Et je dis bien interférer, parce que pour moi, aujourd'hui, là, typiquement, il est à 35 points, il peut dire merci à la FIA, il n'est pas pénalisé hier, mais normalement, sa course ne doit pas se passer comme ça. Et Et en fait, il faut se rendre compte de l'impunité qu'on lui donne et du rôle qu'on lui offre, alors que normalement, il est pas capable, enfin, il est pas en mesure de l'avoir. Et je suis désolé, là, il va de toute façon, si la FIA ne resserre pas la vis avant, parce que je rappelle quand même qu'en 2021, on en arrive à un point où la FIA est obligée de lui dire que si jamais il sort Hamilton à Abu Dhabi, il est exclu du championnat. Et alors ils disent si l'un sort l'autre, mais factuellement dans la saison, il n'y a qu'un accrochage dont il n'est pas 100% responsable. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter un peu le truc, c'est bien contre lui. Et là, si la FIA fait pas ça, l'autre il va arriver à Abu Dhabi, s'il a encore une chance de titre, ça va être les autotamponneuses. Et ça va être du niveau championnat de karting régional. Donc moi, c'est un peu le problème que ça me pose, c'est que Verstappen, alors c'est sûr, hein, on l'encense depuis quelques semaines, factuellement, ça fait 4 courses avant ça, il était imparable, magnifique. Imbattable, somptueux, tout ça. Et je l'ai dit moi-même, il n'y a aucun problème. Mais là, on retombe dans les pires travers de sa carrière et on retombe dans le pilote qui ne mérite pas d'être sur le podium, qui ne mérite pas de gagner un titre. Parce que, en fait, et moi je m'en fous. En vrai, des gens pourront dire, t'es anti-Verstappen, c'est faux, je m'en fous, soit lui. Ce serait Hamilton ou ce serait Norris qui aurait conduit pareil, j'aurais dit la même chose. Je déteste voir ça en Formule 1. C'est de la Formule 1, c'est l'élite mondiale. Et quand il y a la moitié de ça qui se passe en IndyCar, je dis que c'est même pas du niveau de l'IndyCar. Et là, c'est en Formule 1, et on devrait avoir des batailles comme on a, et comme les autres pilotes savent le faire. Encore une fois, on a eu des très belles batailles, et il s'est bien fait bolosser par Lieberman, d'ailleurs, merci à lui de pas avoir lâché. Et on a des pilotes qui savent se battre, en fait, sur plusieurs virages. Et je le dis toujours, je le dis ici depuis tout le temps, Max Verstappen, il n'y a pas de vidéo de lui qui se bat sur plusieurs virages avec un pilote. Alors, des gens vont me dire, oui, Charles Leclerc, il a déjà réussi avec, c'était en 2022. Alors, on va peut-être pas reprendre des trucs qui ont 3 ans pour dire, oh là là, il sait le faire. Non, Max Verstappen ne sait pas le faire. C'est un virage, ça passe ou ça casse. Et c'est tout. Donc, c'est pas beau. En fait, c'est juste nul comme façon de se battre. Et là, en plus, la FIA valide ça. Donc, la FIA est contente. Et je suis sûr que l'an prochain, ils vont remettre des vidéos comme quoi c'était un spectacle incroyable, comme ils ont fait en début de week-end, puisqu'il faut voir aussi que la FIA dans sa com, et la F1 même en l'occurrence, que là, c'était un truc de la F1, valide ça dans sa com, puisque au début du week-end, ils ont mis. Retour sur l'édition 2024 et la bataille incroyable entre Norris et Verstappen, où tu vois la vidéo où Verstappen fout 2 fois Norris dehors. Donc je ne comprends pas, en fait qu'on en arrive là et qu'on en arrive à cette validation d'un tel comportement qui a toujours été décrié en Formule 1 et qui aujourd'hui est validé pour un seul pilote et qui emmerde les 19 autres en fait, parce que du coup il fait ça tout le temps. Alors Tigris poste la première fois dans le chat et dit bof comme Senna qui est pourtant le dieu absolu de la F1. Personnellement, je ne mets pas Senna dans le top 5 mondial de l'histoire. Pourquoi? Parce que je pense que Senna a été un pilote un peu trop sale, comme Schumacher. Et je pense qu'on peut très bien avoir des champions du monde de très haute qualité qui sont des pilotes très, très comment dire, propres. En tout cas, le maximum possible. Voilà en tout cas pour les réponses. Donc moi, avant tout, ce serait punir la personne qui génère ce spectacle chaque fois, puisque tous les trucs comme ça, c'est avec lui. On va continuer avec la FIA, Franck. Je pense, je sais pas si tu voulais parler du départ. Oui, bah du coup, ça va faire la transition aussi, puisqu'on avait aussi Verstappen sur le coup du départ. Oui. Effectivement, qui tente. Alors, pour le coup, il prend aussi un très bon départ. Hein, donc, il essaye de passer par l'extérieur. Et ben, bon, voilà, il se retrouve les deux roues hors de la piste. Le plancher sur le vibreur, voilà, au moment d'arriver sur le virage numéro 1. Du coup, bloque ses roues, obligé de tirer tout droit, nous fait une magnifique surf sur le gazon et ressort, bah voilà, comme Leclerc aussi, comme d'autres sont passés effectivement sur le gazon pour pouvoir s'en sortir et n'ont pas été pénalisés pour tout ça, ce qui a provoqué la colère de George Russell et de Fernando Alonso. Vous avez pu lire sur le site, la course de tons à gazon, voilà, c'était un petit peu ça on va dire sur le premier kilomètre et demi, c'était un petit peu ça. Voilà, et c'est de ces deux pilotes à juste titre, quand même, il y a effectivement on le sait, le départ a toujours une certaine clémence, enfin toujours droit à une certaine clémence de la part des commissaires. Là, c'est vrai qu'il y a quand même de l'abus, quoi. Mais c'est le Mexique. Après, on sait que ça se passe comme ça, on sait qu'on a un immense dégagement. Immense, parce que Verstappen il part quand même très très fort. Et là, c'est peut-être plus aussi de son fait, hein, puisque vraiment il va pouvoir sur la prise de risque maximum, hein, et puis il l'assume, hein, il le dit dans son interview de la conférence d'après-course. Voilà, c'est une prise de risque qui est assumée. Voilà, ça s'est pas très bien passé. Heureusement, il a pas été percuté le mur de pneus, ben, comme son équipier l'an dernier. Bon, l'an dernier, ça s'était accroché avec avec la Ferrari, pas cette année. Oui. Mais voilà, en fait, du coup, bah, les pilotes tentent et puis bah, ça passe pas, c'est pas grave, on se replace. Hein. Le mieux, ça a quand même été Leclerc. Hein, parce que on va me dire, Leclerc, lui, il a traversé, il est sorti au moins 20, 30 mètres devant Norris. Bon, en plus, il le prend le virage, mais après, au milieu du virage, il décide que finalement, non. Et puis, exactement. Il se replace normalement juste après. Et en fait, là où c'est effectivement Russell et Alonso ont raison, c'est que ces pilotes-là n'ont pas été pénalisés par leur voilà, par le fait qu'ils aient fait une erreur au départ. Ça reste ils ont tous gagné des places. Hein. Ça reste une erreur. Ou c'est maintenu leur place ou gagné des places. Donc et du coup voilà, ils ont bah, voilà. Alors est-ce qu'on doit adresser un carton un jaune ou rouge à la FIA pour ça, je sais pas. En tout cas, Fernando Alonso a dit que la leçon était apprise. Donc en gros, ça veut dire au moindre prochain départ, et ben écoute, il redessinera les virages du départ aussi à son tour. Hein. On voit très bien plus le S de Senna à Interlagos. Il suffit juste d'aller tout droit, de ne pas prendre le S. Ça doit passer nickel. Il y a une chicane qui se coupe bien à Vegas aussi, je crois. C'est ça. Voilà, on doit pouvoir faire des choses un peu sympathiques sous prétexte qu'on a été gêné. Donc ouais, donc le soin apprise, donc ça, c'est effectivement c'est le petit mot très taquin et très politique de d'Alonso. Et puis alors Russell, il était quand même très remonté lui, parce que voilà, effectivement c'était vraiment un petit peu la foire au départ. Et ouais, peut-être que la FIA devrait quand même se repencher un petit peu sur les départs un peu chaotiques comme ça. Il y a incident de course là pour le coup. Effectivement, quand on cherche même pas à prendre le virage et qu'on accélère dans l'herbe et qu'on ressort devant et qu'on se replace juste à sa position estimée, voilà, c'est vrai que c'est un peu léger comme attitude, on va dire. Donc non, effectivement, la FIA devrait mettre au moins 5 secondes, je pense, à ces pilotes-là. On a un directeur de course, normalement, lui, il existe toujours, qui est très discret. On n'entend plus parler, en tout cas. Hein ? On n'entend plus parler, il n'y a même pas d'interview, il n'y a rien. Non, c'est pour ça que je dis normalement. Oui. Mais cette personne-là est censée étudier ce qui se passe sur les circuits, regarder les grands prix. Alors j'espère qu'il le fait. Et il est censé ensuite valider les circuits pour l'année suivante. Il fait des inspections du circuit. Ça fait quand même depuis 2015 que la F1 vient au Mexique, et depuis 2015, on a le même problème, c'est-à-dire que l'herbe c'est un billard et qu'on a vu des pilotes. Verstappen déjà, c'est déjà sa troisième ou quatrième fois. Leclerc, c'est déjà sa deuxième fois, je crois. Coupé par cette herbe parce qu'en fait, elle ne pénalise pas. Donc, ce qu'il faudrait, ce qui serait très simple, et je comprends qu'il ne faille pas mettre des vibreurs saucisses là parce que c'est hyper dangereux, mais on met des bandes de gravier. Ça, c'est faisable. Tu mets des bandes de gravier assez fins, pas très profond, mais des trucs qui tankent bien la voiture quand elle passe dedans et qui obligent les pilotes à ne pas y passer trop vite. Parce qu'il n'y aurait pas de risque, c'est-à-dire que même s'ils passent en latéral, si c'est juste une bande, la voiture va surfer dessus, donc ça ne va pas l'accélérer ni la ralentir, ni la retourner. Qui est le plus important. Et à côté de ça, eh ben, ça permettrait d'arrêter ces débats. Parce qu'en fait, chaque année, il y a des frustrations là-dessus. Et voilà. Et il ne faut pas oublier que... Et en fait, moi, ce qui m'énerve avec tout ça, c'est que Hamilton est pénalisé, c'est le seul. Et c'est dégueulasse parce qu'en fait, lui, c'est la réaction de tout. C'est-à-dire que je pense qu'il craque un peu nerveusement quand il coupe. Mais il faut bien se rendre compte qu'au départ, lui, il prend le départ, il prend le premier enchaînement comme il faut. Ce que ne font pas 5 pilotes, dont 3 dans son groupe de tête. Et quand il se fait passer par Verstappen le tape, coupe le virage, ressort devant, tasse Russell, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au virage 4, il tasse Russell en plus à l'extérieur, en coupant encore le virage quand Hamilton l'attaque. Et on pénalise qu'un seul pilote. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup, ça fait écho à 2016, je crois, où Verstappen, déjà à l'époque, tasse Vettel, tasse Ricciardo, tasse Raikkonen, et c'est Vettel qui se fait pénaliser, c'est Ricciardo qui se fait pénaliser, et heureusement c'est Verstappen qui se fait pénaliser. Et Vettel avait d'ailleurs insulté Charlie Whiting après ça. Alors ce qui n'était pas bien, hein, évidemment, il ne fallait pas insulter Charlie Whiting, mais c'était... Et en fait, moi ce qui m'énerve, c'est que, un, la physionomie du circuit, et deux, Max Verstappen, parce que c'est deux dénominateurs communs à ces situations, posent des problèmes que personne ne veut résoudre. Donc on les aura encore, l'an prochain ça va être pareil. Alors à moins que la Red Bull soit dans le fond de peloton, auquel cas il sera pas peut-être pas aussi voilà, il jouera pas la même chose, mais on a des problématiques, elles sont claires, définies, répétitives, et la FIA s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait pour ça. Et moi, ça me pose problème parce que du coup, la FIA, alors soit ils sont contents, c'est-à-dire que la FOM dit peut-être laissez faire parce que ça fait de l'audience. Et si c'est ça, c'est vraiment sale. Soit juste, en fait, ils en sont à un niveau d'amateurisme où finalement, ça les dérange pas que ce soit comme ça que ça se passe, quoi. Mais c'est dommage parce que pour moi, ça gâche l'image de ce qu'est la F1, c'est-à-dire la catégorie reine du sport automobile. J'ai pas grand chose de plus à ajouter. Peut-être que le travail de la FIA n'a pas été facilité par le fait qu'il y a plusieurs pilotes en même temps qui sont partis à la faute. Ça, oui, mais voilà, ils ont une control room à distance qui est capable de tout analyser. Hein. Faut pas oublier qu'ils ont mis en place une salle qui est capable de faire de la VAR pour voir. Et je suis désolé, ils mettent 20 tours à pénaliser des pilotes en 20 tours. 21h05, ils sortaient du resto à Genève encore. Ouais, ça sûrement. Non, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que nous, on a le nez sur le Grand Prix et tout ça. Et moi, j'étais capable de dire, en faisant le live pour NextGen en même temps et en discutant avec toi à côté, j'étais quand même capable de dire qui était en tort. Et j'ai revu les images aujourd'hui, parce que je me suis dit peut-être que j'ai... j'avais raison. J'avais exactement vu la situation. Donc ces gens-là, dont c'est le métier, et qui ont que ça à foutre, puisqu'ils sont sur un écran avec une situation analysée, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, pour moi, c'est de l'emploi fictif, cette salle. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu... Jamais on va faire ça, nous, pendant nos lives. On fait control room pour la FIA. Ouais, moi, je veux bien, hein, franchement, parce que je ferais du meilleur boulot que, hein, sans problème. Non, mais cette control room... Un Max, il va morfler avec toi. Non, mais même pas, en vrai. S'il roule pas comme un con, ça ira. Mais... Non, mais ce qui m'énerve, c'est que... Et hier, j'aurais pénalisé Hamilton, hein, parce que pour moi, c'était pénalisable largement. C'est pas le problème. C'est juste qu'il n'y avait pas que lui. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que cette control room, elle a été mise en place là, après le scandale d'Abu Dhabi, genre, non, mais maintenant, on va contrôler les choses. Elle a jamais fait quoi que ce soit. Jamais on nous a dit, ah oui, on a revu la vidéo, en fait, il y avait ça qui s'est passé, donc on fait ça. Jamais. Ouais, c'est censé être transparente, t'es pas censé en parler. Bah oui, mais dans ce cas-là, si tu la mets en place, il faut bien... c'est parce qu'en fait... Ils font un article de fin de saison sur le site de l'FIA. Ah oui, c'est vrai. Voilà, et puis basta, quoi. C'est vrai. On sait pas quel niveau de remontée elle a sur le direction de course qui est en surplace. On sait pas. Ça nous a jamais été vraiment... Sachant qu'elle intervient après que c'est directeur de course. 30%, 50%, 80%, ouais. On n'a aucune idée du niveau de remontée qu'elle peut avoir. Ça, c'est vrai que ça nous a jamais été communiqué. Il y a un truc que je sais pas, c'est si parce que donc du coup le déroulement, c'est le directeur de course décide d'ouvrir une enquête et la confie au commissaire. Je sais pas si les commissaires ont le droit de changer la nature de l'enquête. Du coup, je sais pas si c'est Rui Marquez qui a ouvert l'enquête contre Verstappen contre Hamilton au premier virage ou si c'est les commissaires. Si lui a dit faut enquêter sur ce problème là et que les commissaires ont dit c'est de la faute à, enfin ça serait plutôt de la faute à Hamilton. Je sais pas. Et Yann résume très bien la situation dans le chat. Le souci est que soit tu pénalises tout le monde, soit tu pénalises personne. Tu pénalises pas juste Lewis Hamilton qui, certes, y est allé comme un bourrin, mais au bout d'un moment, elle a fait exactement comme tout le monde. Et moi, encore une fois, ce truc de dire au premier tour, ils font ce qu'ils veulent, non, ce premier tour, c'est la course. La course commence pas au tour 2. Hein. Donc au bout d'un moment, le premier virage, il compte aussi. Et le premier virage du tour d'après, donc on va quand même finir là-dessus, il compte aussi. Il compte beaucoup. Puisqu'effectivement, il y a eu des débris qui ont été laissés par les multiples contacts, notamment je crois que c'est l'aileron avant de Lawson hein, qui est resté. Oui. Du coup, non, je sais pas. Alors, là, pour le coup, la FIA dit qu'elle l'a enquêté, donc est-ce que c'est vraiment du ressort de la FIA ou est-ce que c'est les commissaires qui ont pris la liberté d'aller en piste eux-mêmes ramasser les morceaux? Ça, pour l'instant, on le sait pas. Mais voilà, donc les commissaires sont rentrés en piste pour aller ramasser les morceaux d'aileron de Lawson, sauf que. Ils s'attendaient à avoir passé les 20 voitures, sauf qu'en fait, il y en a une, celle de Lawson, qui s'est arrêtée au stand pour changer d'aileron. Et pendant qu'ils étaient en piste pour aller ramasser ces débris, Lawson était au stand. Et donc, il n'est pas passé avec le paquet de 19 autres voitures. Donc, du coup, il s'est pointé. Il y avait deux commissaires en piste, mais qui manquent de se faire tailler un short à une seconde près, on va dire. Et ils ont de la chance parce qu'il sort des stands très lentement. En fait, sa voiture n'est pas stable et tout, donc il va mollo. Heureusement qu'il y a un double drapeau jaune aussi. Bon, ouais. Voilà, ça réduit, on va dire, un petit peu le risque, mais ça ne devrait quand même jamais arriver. Voilà. Et donc, on est passé après assez proche d'un drame. Alors, bon, c'est vrai que c'est pas de faire dans le sensationnalisme non plus, parce que voilà, là, à cet endroit-là, vous êtes à 70, 80, et peut-être même à 50 sous le drapeau jaune, et vous avez le temps de voir les gens aussi, donc vous pouvez les éviter, aller à gauche ou à droite. Ouais, mais le jour où le pilote sera sur son volant, voilà. Mais ça ne doit pas arriver, clairement. Ça ne doit pas arriver, donc là, j'espère que l'enquête, entre guillemets, ne mettra pas la faute sur quelqu'un à la FIA, et que c'est vraiment, la velléité des commissaires mexicains qui a, qui a pris le pas, mais normalement ils sont pas censés intervenir sans avoir un ordre direct. Donc ils ont un superviseur qui lui-même est en lien avec la FIA, donc c'est normalement la FIA lance le truc. John Smith, non, c'est là, regarde pas. En fait, la FIA lance le truc, et moi le problème c'est que c'est quelque chose qu'on n'avait plus depuis quelques années, mais on avait eu à l'époque où c'était Michael Masi, comme par hasard, c'est arrivé trois fois en deux ans. Et c'est ce qui me fait penser que c'est un problème de direction de course. Puisqu'en 2019 et 2020, Pérez, il sort des stands à Monaco avec un commissaire qui est en train de lui traverser devant et qui s'arrête heureusement avant qu'il passe. Norris a un commissaire qui traverse la piste à Bahreïn pour aller éteindre une voiture devant lui en 2020. Et Stroll a un commissaire devant lui à Imola qui ramasse un débris en pleine trajectoire. Et du coup, ça c'était à l'époque Michael Masi. Et comme par hasard, Masi est parti, on n'a plus eu ça. Et là, on a un nouveau directeur de course et ça arrive. Alors, c'est une fois, mais pour moi, c'est une fois de trop. C'est-à-dire, ça ne devrait pas arriver. On ne peut pas laisser. Parce que là, en fait, concrètement, on dit bon, bah, heureusement, le pilote a des réflexes. Mais attendez, le pilote, il a 12 000 trucs à faire dans sa bagnole. Le jour où il n'a pas de réflexes parce qu'il est en train de regarder son volant ou parce que sa voiture, elle a un problème et qu'il fauche un commissaire, même s'il a 90 km/h, le commissaire, je vous dis tout de suite, ça finira mal pour lui. Hein. Et. Avec un peu de malchance, ça peut finir mal pour le pilote aussi, parce qu'il y a eu l'exemple de Tom Price. Alors bon, Tom Price, en 77, à Kyalami, quand il percute un commissaire, il n'est pas 90 km/h, mais les deux sont morts. Donc, on ne peut pas laisser ce genre de choses arriver, en fait, tout simplement. Et je ne comprends pas. Et s'il faut, il faut que la FIA investisse, soit pour avoir des commissaires permanents aussi sur les bords de piste, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est des gens à payer, mais de l'argent, il y en a, soit au moins, le minimum, donner à chaque stand de commissaire un truc GPS pour savoir où sont les bagnoles. Et s'il y a un mec au stand, qu'il y ait quelqu'un autour qui puisse dire « Ah bah non, là on n'y va pas parce qu'il y a une voiture qui va passer. » Et encore une fois, bah dans ces cas-là, au pire, on lance une VSC en piste ou une safety car. Et tant pis, c'est pas grave. On y reviendra, là, c'est la VSC de la fin, elle n'est pas faite n'importe comment. Et ça aurait pas été déconnant qu'il lance une VSC parce qu'il y a un débris en pleine trajectoire. Encore une fois, c'est une vie humaine qui est au bout. C'est la vie d'un commissaire qui est en jeu. Donc voilà, pour moi, c'est gros carton rouge de la FIA sur toute la ligne du week-end. Et je trouve que la FIA, là pour moi la FIA c'est niveau 2021, on est revenu à du Michael Masi dans le texte, et je suis assez inquiet pour la suite parce que j'ai l'impression que ça affole personne à la FIA. Malheureusement leur président est trop occupé à gagner les élections en empêchant ses adversaires de pouvoir se présenter, donc c'est un peu compliqué de lui demander de s'impliquer, mais c'est vrai que le problème c'est qu'à côté de ça on a une FIA qui est vraiment passive et qui fait n'importe quoi. Et moi, ça m'inquiète un peu. Donc voilà, après, c'est gros carton rouge du week-end. J'espère qu'on n'aura pas d'autres à en mettre sur la fin de saison. J'espère vraiment, parce qu'on avait été plutôt positif avec eux. Je le rappelle, hein, on bâche pas gratuitement. On était très positif avec eux récemment, parce qu'il y avait des bonnes décisions qui étaient prises, des bonnes réactions qui avaient été faites en piste. Et on était plutôt content du travail. Là, sur un week-end, ils ont cumulé tout ce qu'on ne veut pas voir. Et qui, pour moi, nuit au sport et nuit à ce qu'on aime en Formule 1, c'est-à-dire l'équité en piste, la sécurité et que tout se passe bien. Donc voilà. C'était ouais, le coup de gueule. Au moins que les quatre derniers Grands Prix se passent évidemment très bien niveau sécurité. Ça, c'est tout à fait. Priorité la base. Un. Mais surtout quoi, que l'équité du championnat ne soit pas entachée par une mauvaise décision ou une non-décision. Voilà. C'est exactement tout ce qu'on peut espérer. Ou par une Red Bull. Heureusement, ça n'a pas eu trop de conséquences sur le championnat, hein, clairement. Non, parce qu'il aurait sûrement terminé troisième quand même avec sa stratégie et tout ça. Y a pas de... Mais c'est un rappel de ce qui peut se passer si la FIA n'agit pas. Clairement. Et d'ailleurs, on va repasser à Red Bull, du coup, puisque bon, alors, je me suis un peu défoulé sur Verstappen. Néanmoins, quel deuxième relais ! Parce que ça, par contre, il faut le dire aussi. Oui, il fait un deuxième relais. J'ai vu les chronos du deuxième tours, relais. Ouais, 30 tours entre 1.21.2 et 1.21.6, à peu près. Sachant que sur les 30 5 tours... 5 dixièmes de d'écart entre chaque tour, ouais. Maximum, sur 30 tours. Je crois que sur les 30 tours, il y en a 25 qui sont sur 3 dixièmes, hein, sur 1.21.2.3.4. C'est fou. Phénoménal. Alors ça là-dessus, encore une fois, de toute façon Verstappen, on ne lui reproche jamais son rythme en piste, ni son talent au volant, ça c'est clair et net. Et c'est vrai que son deuxième relais a sauvé son week-end, hein, clairement, parce qu'au final il était quand même parti pour être plus loin que ça, et son deuxième relais lui permet de ne pas s'arrêter une deuxième fois, et à la fois de remonter jusqu'au podium. Donc après une qualification qui était difficile, la Red Bull, et alors là c'est là aussi que je voulais ton avis, c'est est-ce que finalement la Red Bull montre ses limites après plusieurs Grands Prix plutôt bons, est-ce qu'on voit que la Red Bull n'est pas finalement imbattable en cette fin de saison? Après c'est dur à dire, hein. ça reste le Mexique, ça reste une configuration un petit peu particulière aussi, beaucoup de refroidissement, peut-être des réglages pas forcément idéaux. Quand en plus on voit que Tsunoda est à 2 dixièmes à peine de Verstappen, on se dit que Verstappen n'est peut-être pas parti sur les bons réglages non plus. Ça reste quand même un assez bon niveau, clairement. Donc non, moi je m'inquiète pas sur voilà, circuit comme le Mexique, je vais pas trop m'inquiéter pour c'est pas une question d'inquiétude, hein, j'ai pas de préférence particulière, hein, mais c'est quand même, ça reste quand même assez solide. Le plancher qui était une nouveauté, c'est peut-être plus un bricolage, on va dire, plus qu'une nouveauté. Voilà, parce que c'était un bricolage par rapport à un plancher existant. Idem pour le refroidissement. Bon, je pense qu'ils n'ont pas réussi à trouver les bons réglages, parce que normalement, Tsunoda, il n'est pas à 2 dixièmes de Verstappen. Tsunoda, en général, il est plutôt entre 5 et 7 dixièmes. Donc, c'est vrai qu'il manquait peut-être un poil de performance pure du côté de Verstappen et du côté des longs relais aussi, mais après ça restait quand même extrêmement solide. Hein. Sans la VSC, parce que du coup on n'en a pas parlé, effectivement, sans la VSC de fin de course, je pense que voilà. On aurait eu au moins un ou deux tours de chabari en plus entre Leclerc et Verstappen. Il avait Ça aurait repoussé une été. fois déjà, il avait parce que le tour Ouais. avant la VSC, il a le DRS et Leclerc, je pense que Leclerc a intelligemment joué sa batterie. Ça aurait pu nous faire un deuxième scandale au premier virage, peut-être. Hein, voilà, en connaissant Verstappen, il serait forcément tenté. 3 points, c'est 3 points. Hein. Il est à 36 points. Il était à 40. S'il avait pu remonter à 33 au lieu de 36, ben, c'est quand même une moyenne de points grattés au pilote McLaren qui reste supérieure. Maintenant, voilà, comme il le dit, moi je ne considère pas que je suis à 36 points de Norris. Je considère que j'ai perdu 10 points sur Norris. Donc, certes, il a progressé par rapport au leader du championnat, mais 36 points, 4 courses. Certes, il reste un sprint, deux sprints. Deux sprints, voilà. Donc, c'est 140 quelques points, je crois, qui nous reste à distribuer. Donc, Bah, sa moyenne, le moyen de points qu'il doit reprendre sur un week-end est plus élevé que 116 celui points, des autres. 116 points, pardon, 116 points. Mais il doit reprendre plus de 9 points par week-end alors qu'il était à moins de, il était à 8 points et quelques. C'est ça. Donc là, il faut quand même qu'il espère un. Bah, du coup, un souci pour l'un et un souci pour l'autre. Alors en fait, c'est ça. Moi, là où je pense que ce week-end lui fait du mal sur le plan comptable, C'est c'est ça. que il avait une McLaren qui était à portée de lui et une autre qui était plus loin. Et Ouais. là, les deux sont hors de portée pour l'instant. C'est-à-dire que même s'il fait le week-end parfait et que McLaren fait un zéro pointé au Brésil, je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas. Il repartirait quand même derrière. Il serait plus qu'à 3 points. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, il y a aucune McLaren qui est à sa portée de tir. Et je pense que ça va être plus compliqué parce qu'il doit battre les deux. Et c'est peut-être, et là j'espère aussi, ce qui va le calmer en piste à un moment. Moi, je suis peut-être un peu naïf, c'est que il peut pas se permettre d'abandonner ou de s'accrocher avec une McLaren parce que du coup l'autre en profitera. C'est ça. Et le titre, il l'aura pas s'il s'accroche avec une McLaren. Donc j'espère un peu de maturité de sa part à ce niveau-là. Yuki Tsunoda, bon, c'était pas mal. Il s'est un peu Bah, ruiné sa deuxième quand course. même. Ouais, il était quand même plutôt bien. Ouais. Le rythme était bon. Bon, Red Bull lui foire totalement son arrêt au stand. Il perd Ouais. 11 secondes, je crois, tout dans le genre. Donc, C'est ça, plus l'arrêt, le fait qu'il arrive tard alors qu'il était dans le. C'était le même timing que Verstappen, mais dans une situation qui n'était pas la il même. a pris un. Enfin, il a pris un super départ. En tout cas, il a profité du départ aussi parce qu'il a quand même gagné des places. Hein. Il Ça était fait dans le trois top fois en deux 10. week-ends, hein, parce Ouais, c'est que ça. les deux départs aussi, il fait déjà un très bon départ. Il a une bonne C'est ça. intelligence de course là-dessus. Donc, non, il était plutôt solide. Et du coup, ben, on ne sera pas non plus passé 14 heures dessus sur Red Bull. Donc, dimanche matin, enfin, dimanche matin sur Next Gen Auto, mais samedi après les qualifications dans la nuit. Voilà. Marco qui nous dit, ça y est, les décisions sont prises. On vous le communiquera après le Mexique. Donc en gros, Adjar chez Red Bull et Lindblad chez Racing Bulls. Ah bah non, juste après la course, on a changé d'avis, donc Laurent Méquès. Voilà, et puis Helmut Marko qui se démonte pas, hein, je l'ai vu aussi sur le site. Oui, effectivement, une réunion en interne juste avant la course, on a décidé de repousser ça à la fin de saison. Donc est-ce que Helmut Marko s'est un peu fait reprendre par Méquès sur le fait que Tsunoda doit avoir sa chance? J'ai un peu de mal à imaginer que Méquès s'était propulsé directeur de Red Bull Racing avec des pouvoirs suffisants pour pouvoir contrer l'avis de Marko. Ça m'étonnerait quand même beaucoup. Et ben moi je me demande. Mais oui, maintenant on sait que Marco et Minslaf et compagnie, c'est que ça marche quand même bien main dans la main. Donc je suis quand même assez étonné que Marco soit un petit peu dédié. Et en 24 heures chez Red Bull, voilà. Alors, au début c'était quand même, on vous annoncera après le Mexique. Ensuite ça a été, on a le temps, tous nos pilotes sont sous contrat, donc de toute façon on risque pas de les perdre, donc on a le temps de décider. Et Marco nous lâche comme ça, donc du coup le samedi soir après les qualifs, du coup le dimanche matin sur Next Gen, que les décisions sont prises et on vous annoncera du coup une décision après le Mexique. Bon bah ok, super, on va savoir. Et puis en toute logique, voilà, Lee Blanc il a vachement impressionné aussi. Adjar, pas de questions à se poser. Au pire, ça se joue entre Lawson et Tsunoda chez Racing Bulls, mais voilà quoi. Et là, patatras, rechangement de point de vue, de vision. On va attendre effectivement peut-être Qatar ou Abu Dhabi pour savoir effectivement si Tsunoda mérite. Je pense que le fait que Tsunoda finisse à 2 dixièmes seulement de Verstappen en qualification et qu'il fasse une course vraiment plutôt solide avec un très très bon rythme de course a peut-être rebattu les cartes sur le fait qu'il ne faudrait peut-être pas propulser de suite Isaac Hadjar, même si on sait que le timing du changement de réglementation en 2026, c'est quand même l'idéal Pour lancer un nouveau pilote. pour changer. Après, on pourrait très très bien avoir un Tsunoda à qui on dit on te fait confiance encore pour le début 2026. Si ça se passe mal, tu dégages. Ça, je pense qu'on a vu que ça marche pas parce qu'au final, le pilote n'a pas ses essais hivernaux, il n'a pas sa mise en place dans l'équipe. Ouais. Et enfin, c'est pour moi, c'est des conneries. Soit il faut prendre une décision et aller au bout. Alors déjà, on a une question très intéressante de John Smith dans le chat qui dit, on parle beaucoup de Laurent, mais qui est-ce? Et effectivement, en fait, moi, je pense qu'il y a un truc avec la dynamique qui est totalement différente chez Red Bull, c'est que Laurent, mais qui est-ce, n'achète pas tout le bullshit d'Helmut Marko. C'est-à-dire que Marko a pris l'habitude avec Horner depuis 20 ans de communiquer. C'est-à-dire que lui, tiens, j'ai pris une décision, je vais en parler. Tiens, j'ai une idée, je vais en parler. Et Laurent Mekies, qui est très analytique, c'est un ingénieur, hein, faut pas l'oublier, lui, il arrive derrière, il fait ben non, on n'a pas décidé. Et le fait, et moi, ce qui me laisse penser qu'il a beaucoup d'influence, Mekies, par rapport à Marko, c'est le fait que Marko change sa version dans le week-end. C'est-à-dire qu'il dit, on a pris la décision de. Mais en fait, c'est pas. Je pense qu'ils n'ont pas pris la décision de repousser. C'est lui qui avait dit, qui est allé tout seul devant les médias, dire on a une décision. Alors que Laurent Mekies n'a pas encore pris sa décision. Et je pense que Laurent Mekies rappelle gentiment à Marco que le directeur de Red Bull Racing, c'est lui. Et que le pilote qui sera avec Verstappen, c'est lui qui décide. Et même si Marco est responsable des pilotes et tout ça, je pense que Laurent Mekies a signé son contrat en disant par contre, je vous préviens. Faut pas qu'il me chie dans les bottes, parce que moi j'ai pas envie de devoir gérer la communication, parce qu'en fait faut pas oublier que très souvent Christian Horner était amené à faire de la communication de crise pour désamorcer les propos d'Helmut Marko. Ouais. Et là où Marquez a aussi marqué des points, c'est qu'il a il a Verstappen dans sa poche maintenant. Oui, complètement. Il a montré qu'il a donné une super ambiance à l'équipe, qui a une dynamique hyper positive. Donc je pense qu'il est beaucoup plus écouté que ce que Marko pensait Oui. Qu'il serait. Quand on Donc, lit les propos, et là c'est vrai que c'est des propos, et c'est ce qui m'a marqué aussi ce week-end, parce que ça a fait suite à plusieurs week-ends où il y a les mêmes. On voit Verstappen, on voit Tsunoda, on voit Monaghan, on voit. Je sais plus qui c'était d'autres, qu'on a parlé, et en fait tous sont. Enfin, Mekies a fédéré tout le monde autour de lui en un temps record, et je pense qu'il fait du bien à cette équipe qui avait clairement un gros problème, c'était qu'il y avait un énorme ego qui était planté en plein milieu du garage et qui prenait beaucoup de place, et là c'est tout l'inverse. Et en fait, on a quelqu'un qui fédère l'équipe autour de lui en disant voilà, moi je me mets au service de l'équipe et je veux faire monter cette équipe, je veux que tout le monde fasse au mieux. Et je pense que rien que le fait qu'il traite Tsunoda comme un être humain, ça change vachement les choses. C'est-à-dire qu'il lui a dit bah écoute, c'est quoi, tu vas m'expliquer ce dont tu as besoin et moi je vais t'expliquer comment tu peux y arriver. Et une fois que tu arriveras à avoir ce dont tu as besoin, on verra si tu es au niveau. Alors qu'avant, on disait à Tsunoda faut que tu fasses ces résultats, on lui donnait aucune clé. Et on lui disait, bah, tu fais pas ce résultat-là, tu dégages. Ou en tout cas, les autres pilotes. Donc, il y a quand même cette chose-là, et c'est aussi ça qui fait que Red Bull va mieux, que Tsunoda va mieux, tout ça. La théorie de sobriété indélicate, elle est très bonne. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les décisions sont peut-être déjà prises, mais il n'y a aucun intérêt de les communiquer si tu as envie de garder la motivation des oui. trois. Enfin, surtout de Tsunoda. Je pense que la décision intrinsèque, elle est prise aussi. Je pense que Hadjar est quand même parti pour le remplacer. Et je pense quand même, et je me demande aussi. Voilà, si Mekies veut pas essayer de permettre à Tsunoda aussi de rebondir ailleurs, parce que en fait il a pas besoin de le détruire, et il sait aussi qu'il aura besoin de lui potentiellement en fin de saison si Verstappen peut aller choper un titre. Donc dans tous les cas, il y a une dynamique différente, et puis je pense que Mekies a quand même un petit peu envie de voir ce que Tsunoda vaut vraiment en étant au meilleur de ses capacités, ce que le management d'avant n'a jamais pris le temps de faire avec les pilotes. Et c'était. Bon, tout le monde a dit oui, et comment on peut expliquer les écarts entre Verstappen et ses équipiers? Mais il faut bien se rendre compte que Gasly, Albon, Perez et Lawson et Tsunoda, donc 5 équipiers en 5 ans, n'ont jamais eu, enfin 6 ans, n'ont jamais eu les clés pour travailler et aller au maximum de leur capacité. Donc, en fait, demander des objectifs à quelqu'un sans lui donner les clés pour y arriver, bah, c'est pas possible, surtout quand tu engages des jeunes pilotes. Et même Pérez, on a bien vu qu'il était maître de ce qu'il faisait chez Racing Point et est complètement perdu chez Red Bull. Bah, y a bien 4 qui sont arrivés, c'est les 4 cambrioleurs du Louvre. Hein. Tu leur as pas donné les clés, ils sont arrivés. Hein. C'est vrai. Quoi, il n'y a pas vraiment besoin de clés. C'est ça. Voilà. C'est quand même rare. Mais non, voilà. Donc, en tout cas, effectivement, Lenou B dit mais qui est, ça apporte un peu d'humanité et d'empathie dans l'équipe. Et moi, j'avoue que ça me donne une image beaucoup plus positive de Red Bull. Et donc, chez Racing Bulls, on voit qui, selon Lambeau Diablo? Bah, Lindblad et. Ouais. Lindblad et Lawson, si on pour est sur Lawson doit rester. Oui. Parce qu'il je vois pas, Souza repêcher, encore une fois. Surtout si Souza peut aller en poste de 3e pilote chez Aston Martin avec le soutien de Honda, quoi. Ça me paraît tellement, tellement logique. Ce qui joue contre Tsunoda, c'est qu'il est quand même à sa 5e saison en Formule 1, et que même s'il a un très bon coup de volant, encore une fois, il faut pas oublier que c'est le haut du panier, il y a un plafond de verre qui a été atteint, je pense, et il a eu le temps de se préparer chez Racing Bulls, où il était quand même mieux considéré, notamment avec Mekies. Et Lindblad, alors moi, ça me... Bon, Lindblad, je suis un peu sceptique, parce que vraiment, en course, il est catastrophique. Par contre, c'est vrai que la pointe de vitesse qu'il a montrée au volant de la voiture... vendredi a impressionné tout le monde, et Mekies lui-même a dit on ne peut pas nier la pointe de vitesse qu'il a montrée. Donc forcément... Alors, Wario Zero, Tsunoda a beaucoup de fourchettes. Il parle beaucoup de bouffe, mais après, il est quand même fit. Hein. Il n'est pas non plus... il ne bouffe pas un tacos par jour. Hein. Non. Et c'est vrai qu'il a... il adore la bouffe, mais parce que oui, il parle toujours de bouffe et de console de jeu. Mais depuis qu'il avait été recadré par Franz Tost, il a quand même relâché un peu l'obsession de la bouffe. Et oui, Vivi Vroom, t'as raison, hein, Lindblad, c'est un talent brut, mais il va falloir le polir un peu pour essayer d'en faire quelque chose en Formule 1, et j'ai peur qu'on parte d'un peu loin. J'espère qu'on va pas vers un deuxième Verstappen, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Et Yves, alors Lindblad, par contre, il était devant Tsunoda, mais il a pas fait de long relais. En fait, les équipes ont fait des longs relais en EL1 parce que c'était les mêmes conditions que la course, c'était la même horaire. Et vu que Lindblad, vu qu'il y avait des problèmes de GPS, qui faisait qu'ils avaient du mal à avoir les data et tout ça, ils ont préféré ne pas encombrer Lindblad de consignes sur des longs relais et tout ça, et lui donner des plutôt relais à bas carburant et tout ça, donc c'est pour ça qu'il est devant Tsunoda. Normalement, il n'y a pas de. C'est pas juste. Et, voilà. Et Lindblad avait, interdiction de rayer même le plancher de Verstappen, puisqu'il n'avait qu'un seul exemplaire. Donc, oui. Voilà. C'est un peu comme quand tu laissais une voiture en concession, tu vois, ils ont te dit vraiment de vous la ramener comme elle est. Hein. C'était pareil. on s'approche pas des trottoirs et puis voilà, on fait attention. Hein. Non, mais c'est vrai que. Mais cela dit, il a fait une très bonne séance, il n'y a pas eu un coup de volant de travers. 9 rookies d'ailleurs en essai libre 1 et pas un seul drapeau rouge, hein, donc bravo aux petits jeunes qui ont été particulièrement impressionnants. On n'en a pas parlé, mais bon, l'émission ferait 3 heures sinon. Exactement. Et d'ailleurs, on va continuer à enchaîner et on va passer à un autre rookie, Oli Berman, et l'équipe As égale son meilleur résultat avec une 4e place d'Oli Berman. Et Seban Ocon termine 9e, permet à l'équipe de marquer 14 points et de prendre une place au championnat constructeur. Alors franchement, cette As impressionnante. Et alors Oli Berman n'a pas flanché de la course. Il s'est retrouvé 3e. Quand il était 6e, il y a le bazar devant avec Verstappen qui ralentit tout le monde. Et ben il y allait. Il a passé tout le monde virage par virage. Il a résisté à Verstappen. Il le tasse un petit peu, mais en lui laissant la place, franchement, j'ai trouvé qu'il était parfait. Il s'est pas tétanisé devant l'enjeu. Et il s'est fait dessus quand même, il a dit. Oui, il a dit qu'il avait un peu peur. Ouais. mais n'empêche qu'il était là et il y allait au bout. Et une 4e place, donc un super résultat pour un Oli Berman qui monte en puissance à une vitesse, je trouve, assez impressionnante. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah on en parlait un petit peu après Austin d'ailleurs, avec des déclarations un petit peu inquiétantes de Komatsu, Ayo Komatsu, sur le directeur de l'équipe, sur Esteban Ocon. Heureusement, Ocon finit dans les points. Hein. Il fait quand même une jolie course aussi derrière. Mais c'est vrai que Berman, il a été vraiment impressionnant, étincelant. Preuve, du coup, on en a parlé un petit peu, que le moteur Ferrari a bien l'altitude aussi. Donc ça a bien joué aussi. Et que, bah voilà, on a une évolution peut-être de la Haas qui, en tout cas, d'après Komatsu aussi, fonctionne très très bien. Ça a mieux fonctionné aussi du côté de Ocon avec cette évolution-là ce week-end. Pas au même niveau que Berman, mais c'était quand même plutôt dans les mêmes chronos, voilà, avec une meilleure exécution, notamment en qualification. Mais voilà, As nous fait effectivement un 14 points d'un coup, se met du coup vraiment hors de portée de Alpine, hein, pour ceux qui auraient pu en douter encore. Voilà, c'est, voilà, Voilà, donc pardon. Faut pas rire là, c'est pas gentil. Donc voilà, et puis ça, du coup ça se passe 2 points devant Sauber, je crois. Ou un point, 2 points, 2 points devant. 2, je crois. Ouais, donc c'est un petit resserrement devant. Qui est... Surtout qu'Aston ne marque pas de points, Racing Bulls ne marque pas de points, donc on les a tous les 4 en 12 points, il me semble. Il me semble que Aston était 72. C'est ça, je crois que c'est 12 points. Ils sont à 12 points de la 6ème place, oui, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ça fait une très très jolie bataille de fin de saison à suivre entre les 4 là. Et on l'a expliqué à Sonic Gen il y a une petite semaine, c'est que c'est cette évolution voilà, de quelques millions de dollars de As, si elle fonctionne bien, et là pour l'instant il y a le premier pari qui est fait, ça vaut 30 millions, voilà, parce qu'on passe de la 9e à la 6e place, et ça c'est l'écart. L'écart vaut 30 millions de primes. Alors certes, As est enfin au budget cap depuis cette année, maintenant être au budget cap et être confortablement dans le budget cap pour pouvoir faire d'autres opérations à côté, notamment des essais TPC, du marketing, enfin beaucoup d'autres choses, c'est toujours bon à prendre. Donc autant vous dire que si Gene Haas peut prendre 30 millions et peut-être en mettre un poil moins de sa poche de son côté, il dira pas non. Donc ouais, donc superbe réalisation de la part de Haas, superbe réalisation de la part de Berman, surtout effectivement qui a pas flanché, notamment face à Verstappen, hein, il s'est dit que c'est... littéralement il s'est fait dessus, hein, c'est... Voilà. je traduirai pas le mot anglais exact, hein, c'est... Voilà, mais voilà, il a osé, il est allé, et la voiture et le réglage étaient totalement adaptés à ce résultat. Il n'était pas là par hasard, il n'a pas chuté au fur et à mesure de la course, il est resté à sa place, mais voilà. Bon, après, si effectivement, je pense que si Hamilton avait pu dérouler sa course normalement et tout, il était une place derrière, mais ça reste quand même une très très très jolie place. Ça aurait quand même fait top 5 en conditions régulières. Hein. C'est ça, donc bravo. Voilà, donc à confirmer maintenant sur d'autres circuits, évidemment. C'est ça, mais c'est vrai qu'ils sont dans le bon groupe, dans le peloton. Et donc, il y a effectivement ces 4 équipes en 12 points. Eux sont à 10 points à la 6ème place, avec une dynamique qui est nettement... Alors, peut-être pas beaucoup, bien meilleure que celle de Racing Bulls, mais bien meilleure que celle d'Aston et de Sauber. Donc, pour moi, ça peut faire 7ème au championnat, voire 6ème. Et franchement, encore une fois, le coup de travail d'Ayao Komatsu, la manière de gérer la... Enfin, c'est que des bonnes décisions, en fait. Et je suis pas sûr que ça leur pénalise beaucoup pour l'an prochain, parce que de toute façon c'est pas eux qui construisent la voiture, hein, concrètement. Enfin, après, faudrait peut-être essayer de nous éviter toujours de sortir des évolutions toujours en fin de saison. Hein. Oui, ça c'est sûr. Un petit peu. Plutôt, ce serait bien. Non, mais après voilà, mais je pense que ce serait intéressant de les voir sur un début de règlement avec quelqu'un d'autre que Steiner à la tête de l'équipe. Mais moi je suis assez impressionné par cette équipe et je la trouve, je trouve que c'est ouais, enfin ça. Globalement, encore une fois, quand on se rappelle de ce que c'était il y a 4 ans avec Steiner, avec Mazepin, avec un Schumacher qui était broyé par cette communication atroce, et quand on voit aujourd'hui l'ambiance dans l'équipe, c'est la positive attitude, hein, comme qui dirait, avec Komatsu, Berman et Ocon qui sont vraiment à fond. Alors, son Brighton Delicate dit Ocon ne doit pas être à l'aise car régulièrement battu par Oli désormais, c'est vrai qu'il a l'air un peu perdu. Mais c'est Ocon, hein, il n'a pas perdu son coup de volant. Faut pas oublier que quand il fait sa saison de rookie chez Force India, il marque plus de 80 points dans la saison. Hein. Donc c'est un pilote qui a toujours su être rapide. Là, il est un peu plus en délicatesse. Mais je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Il fait beaucoup de travail de fond aussi sur la voiture. Il a aussi beaucoup aidé à faire progresser l'équipe. C'est son rôle. Donc voilà. Après, Berman, si c'est le pilote qu'on pense... Encore une fois, on en parlait déjà la semaine dernière, hein, mais Berman, c'est le pilote qui, pour ses débuts en Formule 1, arrive un samedi matin dans une Ferrari. On lui dit que tu es sur le circuit de Jeddah et puis tu remplaces Carlos Sainz, il fait 7ème. C'est pas n'importe qui. Et s'il est toujours à la Ferrari Driver Academy et qu'il est déjà en F1 et tout ça, c'est qu'il est amené tôt ou tard à rejoindre Ferrari. Clairement, le jour où Hamilton part, pour moi, Berman monte chez Ferrari. Ou Leclerc. Ou Leclerc. Oui, voilà. Mais pour moi, il n'y a pas trop de doute. Ouais, le jour où Leclerc va chez McLaren et que Piastri le remplace, Camille, ça va. peut-être, qui sait. Piastri, en tout cas, Ferrari, il en fait pas mystère, c'est son rêve. Hein. Même Weber aussi en a parlé. Sauf qu'il a dit que c'est un peu trop tôt pour faire. Weber, je pense que lui, ce serait par procuration parce qu'il n'a jamais pu y aller. Et du coup, il serait content, tu vois. Non, mais oui, mais après, de toute façon, Ferrari, c'est le rêve de 90% des pilotes. Hein. Et même à Verstappen, qu'on parle pas trop, je suis sûr que s'il pouvait, il irait bien. Hein, parce qu'il y a quand même ce truc-là. Verstappen, il roule. Tu m'étonnes, il aurait des prix sur les 296 GT3. C'est ça. Ce serait toujours de l'argent de gagner. Mais voilà, non, c'est logique. Et Berman, pour moi, est de toute façon un candidat pour un baccalauréat là-bas. Lambeau Diablo dit, ça fait plaisir de voir pas mal de rookies excellents. Et oui, c'est vrai qu'encore une fois, on le rappelle chaque émission. Mais à chaque émission, on a un rookie qui fait une super course, en fait. Donc, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, on ne va peut-être pas trop s'attarder sur As, mais chez Mercedes, Antonelli termine 6e, Russell 7e. Un Russell chafouin et Antonelli rapide, mais voilà, quelques petits. Après, bon, je comprends Russell, hein, personnellement, parce qu'il a. Alors, c'est vrai qu'il a eu beaucoup, beaucoup de choses à dire sur beaucoup, beaucoup de monde hier. On a commencé par lui. Il a été arrosé. Je me suis refait les 20 premiers tours de la course. Non, les 15 premiers tours et les 10 premiers tours après l'arrêt. En même board avec Russell, et effectivement il était un peu chaud, mais je comprends parce que en fait il a raison, il est perdant au départ parce que tout le monde coupe et pas lui, et il se retrouve à perdre. Ensuite, quand Verstappen fait n'importe quoi, il se fait emmener à l'extérieur par Verstappen qui revient en piste comme un malpropre, il n'y a pas d'enquête, mais il perd deux places de plus, il se retrouve 7ème parce qu'il se fait passer par Berman et par Antonelli et par Hamilton à ce moment-là, je crois. Et voilà, et ensuite au deuxième relais, il se retrouve derrière Antonelli et derrière Berman avec Piastri derrière lui. Il demande à Mercedes de faire le swap, ils lui disent non, on laisse les voitures comme ça. Lui, il commence à s'énerver et le swap est décidé 6 ou 7 tours trop tard avec une voiture qui a déjà des pneus et des freins un peu trop surchauffés. Il était tellement énervé contre Mercedes qu'il leur a demandé s'il devait laisser passer Oscar Piastri, parce qu'il dit j'ai une McLaren au cul, est-ce que vous voulez que je laisse passer? Et son ingénieur lui a dit non merci. Et lui, il a dit c'était juste pour vérifier. Donc c'était voilà la bonne ambiance. Mais en tout cas, on a eu un des week-ends les plus homogènes entre Russell et Antonelli. Je sais pas ce que t'en as pensé. Et même si Mercedes n'était pas forcément dans le coup, j'ai trouvé que ça fonctionnait quand même bien pour les deux. Oui, et puis en plus, c'est pas un circuit facile. Donc Antonelli était rapidement dans le rythme. Oui. Alors Russell n'a pas fait effectivement la libre 1, hein, puisqu'il avait investi dans sa voiture. Donc c'est aussi le petit twist à apporter sur le côté égalité des performances entre les deux pilotes. Mais Antonelli, effectivement, il a bien géré son week-end. Surtout, voilà, comme tu l'as dit, c'est un appui aéro un peu différent, hein, au Mexique, avec l'air raréfié. Oui. Mais un très très beau contrôle de la voiture. Il nous fait un dépassement, je crois que c'est dans les S à un moment. Ouais. Je ne sais plus sur qui il passe, mais c'est un truc de fou furieux. Personne n'était passé par là. Mais ouais, la petite tension entre le... Ah, pas entre les deux pilotes, parce que les deux pilotes ne peuvent pas communiquer l'un avec l'autre pendant la course. Ce serait très marrant un jour qu'on puisse le faire. Quand même. Mais moi j'aimerais bien ce soir. Comme dans Driven avec Sylvester Stallone. Pardon pour ça. J'ai tué Franck avec ma référence. Non, effectivement, c'était pas entre les deux. Je laisse Franck se remettre pour les gens qui nous écoutent en podcast. Mais faut la faire celle-là. Fallait pas la faire. Mais effectivement, c'est vrai que s'ils pouvaient communiquer entre eux, ce serait sûrement une grosse foire dans les radios. Ouais, un chat dans la gorge, oh là. je te laisse reboire un coup si tu veux. Ouais, un chat dans la gorge, au moment où tu sors ça, c'est... Et donc, moi, je sais plus ce que je veux dire. Non, mais oui, que non, ce serait la foire si on laissait les pilotes communiquer entre eux. Et c'est sûr que heureusement que ça n'arrive pas, parce que finalement ce serait beaucoup de mauvaise foi pour assez peu de productivité, je pense, notamment quand il y a des pilotes qui suivent comme ça, parce qu'en plus on a vu que Russell, du coup, il laisse passer au bout de 7-8 tours, et une fois qu'il est devant, bah en fait sa voiture a tellement souffert d'être derrière celle d'Antonelli que c'est lui qui retarde Antonelli, qui n'arrive pas à raccrocher Berman. Donc au final la situation est inversée, parce que l'air sale joue énormément de rôle dans la façon dont les voitures évoluent au fil de la course. Bon, après voilà. Mais bon, Russell, c'était bien aussi qu'il y ait un égo un petit peu rabaissé par le fait qu'au moment du choix de position, ça n'a pas été aussi clair et net qu'il a souhaité. Parce que Berman avait aussi des pneus finalement un peu plus usés aussi devant. Donc il n'a pas réussi pour autant à aller le chercher. Quoi, donc, ouais. Mais après, sa demande de swap, elle est logique, je trouve. Parce qu'en fait, quand il ressort, il est à 3 secondes et il remonte sur Antonelli. Donc. Et en 5 tours, je crois, donc il reprend plus d'une demi-seconde au tour. Donc la demande de swap, elle est logique. Et je trouve que Mercedes met trop de temps à la faire, encore une fois. Alors le problème de Mercedes, c'est que ce week-end-là, Toto Wolff n'était pas là. C'était Bradley Lord qui gérait. Je pense que s'il y avait eu Wolff, ça aurait été peut-être plus immédiat. Même si je suppose que Wolff était en liaison avec son équipe. Parce qu'il a une sorte de mini muret descente installé chez lui, avec le casque, avec les datas et tout. et oui, non, c'est vrai. Hein. Non, mais oui, j'imagine sur son muret, a éclaté son casque, il n'est pas c'est content. C'est ça, il il fait aussi control room pour la FIA. No, Mikey. No, Mikey, no. That was not right. Mais non, mais est-ce qu'il est intervenu lui-même en perso, du coup et des fois, ça doit le démanger. Hein, si est-ce qu'il laisse vraiment Bradley Lord tout gérer de A à Z. Si des fois il doit intervenir, je sais qu'il le fait. Donc là, c'est clair qu'en termes d'image, c'était pas top. Non. Plus que de résultats. Parce que voilà, oui. L'image donnée, pas de désobéissance, mais c'est pas de la désobéissance, mais de confrontation, on va dire, de conflit avec la murée des stands de Mercedes, c'était pas top. Non. Voilà. Mais bon, avant qu'on passe à une autre équipe, parce que vu que tu as traité l'info, qu'on a eu quelques révélations comme sur le contrat de Russell, oui. Notamment une très importante par rapport à 2027. C'est ça, donc en fait, il a bien dit qu'il y avait un contrat pour 2026, mais il y a un contrat de performance qui. Alors là, pour le coup, du coup, c'est pas des performances que lui doit. Enfin, comment dire. Il doit réaliser les performances, mais s'il les réalise, il avait l'air confiant de pouvoir le faire. Mercedes est obligé de le garder en 2027. Donc, renouvellement automatique. S'il atteint une certaine place, j'imagine, au championnat, hein, je pense que ça va être ça la condition. Ou en tout cas, une place en lien avec les performances que fera Mercedes, parce que c'est compliqué à prédire forcément avec un nouveau règlement qui arrive. S'il marque au moins 3 points. C'est le contrat totalement pété. Truc pas ambitieux. Non, mais après, il a d'ailleurs dit aussi que on lui a demandé justement s'il était inquiet pour que McLaren soit performante et tout ça. Et s'il était inquiet des performances du moteur Mercedes pour l'an prochain. Et il a dit qu'il n'était pas du tout et que les seuls qui étaient peut-être moins inquiets que lui, c'était les pilotes McLaren. Donc il y a une grosse confiance côté Mercedes pour le moteur. Je ne sais pas si c'est s'il y a du bluff ou si vraiment ils ont des performances, mais en tout cas ça a l'air d'être serein. Voilà. Et auquel cas ça risque de faire une belle saison pour Mercedes l'an prochain forcément avec un George Russell bien chaud. Il doit être devant Antonelli, dit Yves, mais c'est peut-être ça. Hein. Non, je pense qu'il y a, à mon avis, il y a des résultats. Si l'équipe termine tant, il doit être aussi bien classé que l'équipe, ou je sais pas quoi. Mais... Il a même dit qu'il aurait pu signer au mois d'octobre 2024, je crois. Oui, apparemment, finalement... il pouvait prolonger, et finalement, il est content de ce qu'il a. À mon avis, il a récolté plus de fric, et avec des conditions qui sont pas trop désagréables. Sachant qu'il a quand même eu à jouer avec le feu, puisqu'il y a Verstappen, quand même, qui s'est un petit peu imposé au milieu, et il a pu tout perdre. Mais je pense qu'il est confiant de lui aussi, et il sait que. Il sait que je pense que Toto Wolff était quand même un peu emmerdé de le perdre, à mon avis. On va passer à Sauber et un autre rookie qui a brillé ce week-end avec Gabriel Bortoleto qui marque un point. Alors la qualification était un peu difficile, il se qualifie 16e, éliminé de très peu encore une fois en Q1, les écarts étaient serrés. Et puis une belle course, franchement une course discrète, je ne l'ai pas trop vue, mais... avec une attaque, il a lui-même été surpris de revoir son attaque. J'ai vu la vidéo où il voit ses passements sur Hadjar, parce qu'il fait un petit louvoiement gauche-droite avant de l'attaquer par l'extérieur. Et il a reconnu, il a dit de la voiture, c'était beaucoup moins impressionnant. Mais donc une course solide et puis un point de plus pour lui et pour Sauber. Donc c'était très bien. Et Hülkenberg, problème mécanique sur la grille de départ. Et puis. Perte de performance moteur. Ouais. Et puis ça a fini par le faire abandonner. Donc, ça, c'est un peu malheureux. Mais bon non, c'était Sauber, c'est dans le ventre du peloton, plus ou moins bien selon les conditions, quoi, comme les semaines d'avant, hein, je dirais. Ouais, Bortoleto, ce qui le sauve, c'est qu'il a vraiment fait une gestion du deuxième relais qui était absolument impeccable. Oui. Alors là, pour le coup, on fait plus confiance aux déclarations du patron d'équipe, hein, voilà, qu'on sortira demain ou après-demain, selon l'actualité, qui a vraiment salué la performance de Bortoleto avec ce point marqué qui fait du bien, même si ça ne suffit pas pour contrer la belle percée de Haas au championnat constructeur. Oui. Et puis un point quand même qui fait aussi du bien, deux semaines avant son premier Grand Prix à domicile au Brésil, donc ça aussi c'est très motivant pour Bortoleto, je pense. Donc, ouais, je pense. Donc voilà, c'est une équipe Sauber qui continue à se mettre en place, à se roder. C'est solide. En termes d'opérationnel, en termes d'exécution. Et voilà, les deux pilotes étaient plutôt dans les mêmes performances ce week-end d'ailleurs, ce qui était à souligner aussi. Donc, voilà, parce qu'on a eu Borsoletto qui a quand même pris plutôt le large devant Hülkenberg ces derniers temps, à part à Austin où c'était un petit peu inversé, où Hülkenberg avait repris l'avantage. Ce week-end, c'était vraiment dans un mouchoir de poche entre les deux. Donc, à voir. On sait que Hülkenberg, par contre, il adore le Brésil. Alors, il a quand même fait, il a quand même signé une pole position pour Williams là-bas. Oui. Il est toujours très très fort au Brésil, donc ça peut donner un petit combat interne hyper intéressant à suivre, hein, voilà, entre le local de l'étape et on peut pas dire le spécialiste du Brésil, mais voilà, un pilote qui le maîtrise vraiment bien. Ouais, clairement. Et puis c'est vrai, je pense qu'on va se rappeler à quel point les Brésiliens sont fans de leur pilote, parce que on sait que ça fait depuis 2017 qu'on n'a pas eu de Brésilien pour un Grand Prix du Brésil. Et je pense qu'il va être accueilli en héros. À mon avis, il aura sûrement un truc avec un casque de Senna ou je sais pas quoi, parce qu'il a déjà un casque qui est proche de celui de Senna. Faudrait qu'il mette un peu de jaune sur le Sauber pour faire les couleurs inversées du casque de Senna. C'est sympa. Bah ouais. C'est sympa. C'est vrai qu'il y a de quoi faire, ça, un truc bien. Mais non, mais franchement, ouais, ça va être, à mon avis, ça va être une ferveur comme on a pas vu depuis un petit moment. Et c'est très juste ce que dit Slim Tousseau, 60 points, 9e du championnat, c'est fou. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des saisons, là, je regardais vite fait, mais dans la fin des années 2010 et début des années 2020, 60 points, ça a amené au milieu du classement. Hein. Ça amenait pas, c'était pas une 9e place. Donc on voit que toutes les équipes marquent bien des points. Et c'est assez impressionnant. Mais ouais, très belle saison de Sauber, globalement. Moi, je suis assez content pour eux et je trouve que ça marche bien. Au final, le duo a l'air de bien se compléter. Et quand il y en a un qui fait un week-end un peu moins bon, l'autre est là. Donc, puis bon, Hülkenberg a encore été très rapide. Hein. Il rate un peu sa Q2 de mémoire, mais il est encore très rapide en Q1. Et on lui retrouve une pointe de vitesse depuis quelques week-ends qui est quand même très très bonne aussi. Donc voilà, c'est une bonne dynamique chez Sauber. Une dynamique un peu plus compliquée chez Williams. Avec alors bon, heureusement, eux ils sont nettement devant pour la 5e place du championnat et normalement ça devrait plus leur échapper, sauf miracle d'une équipe en particulier. Mais voilà, Albon termine 12e après un week-end. Double podium d'Alpine, ça passe pas. Non. Non, on y reviendra, mais non, ça passe, ouais, pas du tout. Albon termine 12e, Carlos Sainz abandonne. Malgré un week-end, il était plus performant que son équipier. Mais bon, 5 places de pénalité sur la grille, puisqu'il avait accroché Antonelli aux États-Unis la semaine d'avant. Et puis une course un peu. Une course, alors. C'est pas de sa faute au final. Non, j'ai eu de la peine pour lui, parce que du coup, sa voiture a eu un souci, tu vas nous l'expliquer après. Ouais. Et il a fait 2 excès de vitesse dans les stands, et en plus, son deuxième excès de vitesse dans les stands, la FIA lui donne un drive-through, ce qui est vraiment un coup. C'est pas très gentil. Bon, d'ailleurs, on l'avait dit. Hein. Ah ouais, non, c'est vraiment. Pendant la course, on dit putain, ils vont se reprendre une pénalité, il va avoir cool, la même chose. Et il va reprendre un drive-through, il va reprendre. Ouais, bon. C'est ça. Et ça finit par un tête-à-queue dans le stadium, il percute le mur, et en fait la VSC est déclenchée parce que sa voiture commence à fumer, et il y a une soupçon de début d'incendie, c'est pour ça qu'il y a une VSC déclenchée, parce que les commissaires sont prêts à y aller avec les extincteurs, donc c'est pas une VSC qui sort de nulle part, hein. Forcément il est dans le stadium. Voilà, je te laisse expliquer du coup le problème qui a touché sa voiture, pour qu'il a causé ses... Ouais. Bah, en fait, c'est lié au départ, hein, parce que donc, comme il y a eu au premier virage, il a été un peu lui aussi bousculé dans la cohue, dans le chaos. Et du coup, il a fait un plat sur le pneu. Bon, ça, c'est aussi des. Bah, ça arrive. Mais surtout, il a eu des dommages du coup au capteur de vitesse des roues. Mmh. En fait, il faut savoir que les capteurs de vitesse sont du coup mis à l'avant, sur les. Enfin, en tout cas, chez Williams. Et du coup, ces capteurs-là, comme ils n'étaient plus fonctionnels, et en tout cas, ils étaient peut-être pas encore fonctionnels, mais ils avaient été légèrement décalés. Mmh. Et du coup, pour l'émetteur de vitesse, ça marchait plus. Donc du coup, son premier arrêt au stand, il dépasse la vitesse de 0,2 km/h. Donc il est à 80,2 80, donc ce qui lui vaut du coup une pénalité de 5 secondes. Sauf que lors du deuxième arrêt, il l'avait quand même anticipé. Donc ils ont dit qu'ils allaient quand même le contrôler manuellement la vitesse. Donc il l'avait mis à 70 km/h. Sauf que... Là, pour le coup, c'est la faute à Carlos quand même. Il a accéléré un poil trop tôt. Et du coup, il a dépassé les 80 un petit peu avant la sortie des stands. Et du coup, c'est pour ça qu'il a pris le drive-through. Donc en fait, il avait quand même déjà plus ou moins réglé, au moins manuellement, pour après la pénalité. Et là, par contre, c'est la petite faute à Carlos d'avoir un petit excès d'accélération, on va dire, sur la fin de la voie des stands. Mais voilà, mais par contre, ouais, la Williams dit que même sans ses passages par les stands, il se battait quand même encore pour un point, Carlos Sainz. Donc c'est qu'il avait quand même un sacré rythme de course. Ouais. Voilà, donc ça. Bon, par contre, du côté d'Alex Albon, ouais, c'est clairement un week-end à oublier totalement. Même Jetzo se le dit. Hein, c'est autant du côté de la communication que du choix des pneus, que des réglages. C'est vraiment. Le week-end d'Albon était qualifié d'accident de parcours dans une saison qui a été très bonne, pour dire. C'est C'est ça. Ouais, il n'a pas violent. du tout été. Il n'a pas été là. Hein. C'était. Non, c'est ça. Il se qualifie 17e, il n'est pas là en course. Hein. C'était catastrophique, vraiment. Mais bon, la saison Williams, effectivement, oui. Pour conclure sur les propos de Vols, de toute façon, elle est réussie. C'est une très bonne saison et ils sont de retour dans une très bonne dynamique. Mais voilà, et c'est bien, je pense que cette année, maintenant que la 5e place est acquise ou presque. Ils subissent ce genre de week-end parce que ça leur permet aussi de continuer à corriger les défauts. Ils peuvent se le permettre parce qu'ils jouent pas de place spéciale. Et déjà l'an dernier, ils avaient fait un peu ça en disant on vise pas de place au championnat, on corrige les défauts. Et ils le font encore cette année. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même de mieux en mieux. Déjà, l'opérationnel est assez propre chez Williams. Il n'y a plus trop pas trop d'erreurs. Et la voiture fonctionne de mieux en mieux, quoi qu'il arrive, même s'il y a des week-ends sans. Ils arrivent toujours à trouver des choses pour avancer. Donc là, c'est positif également. On va passer chez Racing Bulls. 13e place d'Isaac Hadjar, abandon de Liam Lawson, donc qui a, on en a parlé tout à l'heure, a échappé de peu à un drame avec les commissaires sur la piste. Isaac Hadjar, qui a pris une très bonne, fait une très bonne qualif. Il dit avoir pris un mauvais départ parce qu'il s'est mis à l'endroit sur la piste où il n'y avait pas assez de grip et du coup il perd des places. Et puis de là, il s'est retrouvé dans un train DRS, il n'a pas pu remonter et il termine 13e. C'était pas un mauvais week-end quand même pour Hadjar. Fait d'armes, première place en Q1 quand même. Exact. Voilà, donc ça c'est ce qui a d'ailleurs valu un éloge de la part de Marco et à juste titre d'ailleurs, c'est que. C'est là qu'il a décidé de le signer sans demander aux autres. Bah peut-être non, mais en fait, oui, en fait, c'est d'ailleurs dans ses déclarations qu'il dit pourquoi il y a une décision qui a été prise. C'est qu'il dit clairement que Hadjar ne fait que confirmer ce qu'il pensait de lui, c'est-à-dire que sur une piste qui avait vraiment évolué entre la FP3, enfin le L3 et la Q1. Hadjar est capable de s'adapter immédiatement et rapidement, comme un Verstappen, de sortir et de claquer un temps rapidement. Après, une fois que tout le monde a compris comment fonctionne la piste, il régresse un petit peu dans le classement. Donc il n'était plus là à ce niveau-là en Q2 et ni en Q3, évidemment. Mais voilà, il a quand même été extrêmement rapide, très rapidement. Donc c'est un petit peu ce côté explosif qui fonctionne bien et qui plaît beaucoup à Marco. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'après, du coup, bon, ça c'est plus mal passé et sur la fin de la qualification et sur la course. Mais globalement quand même très positif le week-end d'Isaac Hadjar hein, qui est. Oui, ça reste dans les bons rythmes quand même. Tous les pelotons étaient hyper serrés, il y avait moins d'une seconde. Hein, Et pour en revenir aux commentaires qu'on faisait sur les rookies, c'est vrai que tous les rookies étaient dans ce peloton-là, en plus en qualif et en course. Donc ouais, ça a été très très positif globalement. Racing Bulls, c'est fluctuant, ils ont 10 points d'avance sur Haas, donc qui est 2 places derrière eux, et ils ont 12 points sur Sauber, qui est 3 places derrière eux. Donc rien n'est joué pour cette. Il y a quand même 4 équipes qui se battent pour savoir si elles vont terminer avant-dernière ou première de la deuxième partie du peloton. Donc c'est assez. Ça va être un des gros enjeux de la fin de saison, avec évidemment le titre pilote et la deuxième place du championnat constructeur. C'est vrai que les batailles sont assez à tous les niveaux. Pas grand chose de plus à dire sur RBF1. On passe à Aston Martin avec la 14e place de Lance Stroll et l'abandon de Fernando Alonso qui aura sûrement pas mal pesté de son côté encore pour sa malchance. Mais la voiture était pas très bonne. Alors il nous a sorti que donc il nous avait sorti que la voiture était la 9e force du plateau à Austin. Là il a rien dit, je crois. Il a pas trop. Oh, bon. Il savait que Aston en Mexique ça marche pas terriblement. Et là, le fait est, ça marchait pas du tout. Il s'est qualifié 14e, Stroll se qualifie 19e, il n'arrive même pas à être devant les deux Alpines. Et puis, ils n'étaient pas là, hein, tout simplement. En termes de rythme, c'était à des années-lumière de la concurrence. Or, vu les qualités de la Aston avec une traînée qui fonctionne bien quand il y a beaucoup d'air, mais quand il n'y a plus d'air, voilà, à 2200 mètres d'altitude, voilà, le peu d'appui que vous avez, s'il y a moins d'air. Ça marche plus du tout quoi. Donc vous avez beau me braquer tous les ailerons que vous voulez, il en manque quoi. Donc c'est pas catastrophique non plus. Hein. La voiture était pas non plus nulle part, mais pas assez pour jouer les points et être au niveau de il est quand même cinquième au championnat. Hein. Non, pardon. Ils sont septième au championnat. Septième. Ah, ils ont ils sont septième effectivement. C'est devenu compliqué. Donc bon, et puis voilà, puis Alonso qui a, on en a parlé au début de. enfin début milieu, parce que je sais pas, on a tellement traîné sur le début de l'émission, mais Alonso qui a vraiment pesté contre le, à juste titre hein, d'ailleurs, oui. sur le fait que tout le monde a coupé au premier virage au départ et que bah, du coup il a perdu pas mal de place aussi là-dessus. Hein. Bah bien sûr. Ah mais je comprends, hein, moi je comprends ces pilotes qui sont énervés. Alors Yachou me demande, Alonso, on est à combien d'abandons depuis le début de saison? On en est à 5. Ouais, c'est un accident en Australie et 4 problèmes mécaniques après. Ça fait beaucoup, hein, ouais. Ça fait un quart de la saison, donc c'est quand même énorme. Et c'est un problème de ses freins qu'il a eu ou c'est... Ouais, les freins, ouais, les freins commencent à lâcher, bon, ce qui veut dire mauvais calcul du refroidissement nécessaire, ouais. Clairement. C'est la deuxième fois de la saison qu'il abandonne pour ça d'ailleurs. En Chine, c'était déjà le cas. Donc il y a encore du travail chez Aston, on le savait hein, de toute façon. Bah c'est vrai qu'eux, ils doivent avoir hâte que la saison se termine parce qu'ils sont quand même sur une pente glissante. Quand je vois les résultats qu'ils font actuellement, j'ai quand même tendance à penser que s'il y a des équipes qui profitent un peu des faits de course au Brésil et à Vegas pour marquer des points, c'est eux qui termineront 9e du championnat. Mais, parce que j'ai l'impression que Haas, Racing Bulls et Sauber sont sur une meilleure dynamique qu'eux. Quand on voit qu'à un moment, ils étaient pas loin de jouer la 5e place à Williams. C'est plus de la malchance à ce niveau, nous dit Yachou, mais non, c'est sûr que il est souvent très bavard sur sa malchance et factuellement, on peut pas lui donner tort cette année. Il a vraiment une poisse assez phénoménale, alors que l'autre voiture est assez épargnée par les problèmes. Alors, France nous disait la semaine dernière que c'est parce que le Stroll l'a conduit pas assez vite pour qu'il y ait des problèmes, mais c'est peut-être le cas. Moi, tu sûr que c'est pas Alex qui disait ça? Non, je crois que c'était toi, mais c'était pour les pneus. Je disais qu'il gérait bien ses pneus, tu m'avais dit que c'était. Mais bon, ça s'applique aussi pour. Ça s'applique aussi pour les problèmes de fiabilité. Voilà. Mais comme dit Mollusque, en fait, Alonso aurait pu suivre la course. Il suffisait juste de faire comme Leclerc ou Verstappen et pas avoir besoin des freins au premier virage. C'est vrai que ça marchait aussi. Donc voilà. Bon, après Aston, c'est pareil. De toute façon, ça mise tout sur 2026. On sait que Andy Cowell est allé au Japon récemment pour travailler avec Honda sur le moteur 2026, lui qui est team principal d'Aston Martin et ancien directeur du programme moteur de Mercedes. Je pense que c'est l'interlocuteur idéal pour Honda en vue de développement de ce programme moteur pour l'an prochain. Oui. Et on va finir Cocorico avec Alpine. C'est déjà la dernière équipe. Bah oui. Ben oui, ça allait assez vite, mais en même temps, il n'y a pas énormément de choses à dire sur l'équipe du peloton. Il n'y aura pas beaucoup plus à dire. Peut-être plus à dire sur Cadillac et Perez qui étaient là que sur Alpine. Alors, Alpine, il y a quand même quelque chose à dire. Ils finissent à 37 secondes de Lance Stroll. Et ils finissent ouais, à l'agonie. Ça faisait très longtemps. En regardant les essais, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu une voiture aussi qui faisait autant n'importe quoi en piste. Et Gasly l'a dit qu'elle était très compliquée à conduire. Comme d'habitude, hein, très difficile de prédire si elle va survirer ou sous-virer, très difficile de savoir où elle va et tout ça. Et c'est vrai que ça se voyait visuellement, la voiture était instable. Quand il perdait pas l'avant, il perdait l'arrière. Quand il la perdait pendant les virages, il était en sortie. J'ai fait un peu de on-board de la course avec Gasly. Ça avait l'air d'être un enfer. Hein. Je pense qu'il n'a pas pris trop de plaisir pendant la course, à mon avis. Et puis, pas de performance quoi. Après, eux te diront que de toute façon c'est pas grave parce que c'est l'an prochain qui vise la victoire et le titre et tout ça. Mais le fait est que pour l'instant ça marche pas très bien. Il y a encore un arrêt pas terrible en plus de mémoire, je crois. Mais bon, c'est ouais, c'est compliqué. Après, on me dit sur l'ambulance, mais... pas de problème de consigne. Si, si, en fait, on leur a demandé quand même de se suivre, voilà. Oui. de pas faire de bêtises. Mais à part ça, non, effectivement, l'histoire des consignes, elle a essayé un petit peu dénouer pendant la semaine, et puis jeudi, bon, Colapinto a reconnu, je sais pas, en tout cas, on a mis dans le communiqué de presse d'Alpine présentant le Grand Prix, que Colapinto avait reconnu qu'il fallait pas désobéir aux consignes d'équipe. Voilà. Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Est-ce qu'il le pense vraiment? Ça, c'est autre chose. J'y crois pas trop. En tout cas, on lui a fait dire, bon, si après, il a dit effectivement, je dis que, voilà, il fallait faire attention et que. Ah, Gasly, il a pas trop aidé quand même son équipier en disant que non. Il en tirera les leçons, machin, tout ça. C'est il pas quelque pas... chose qu'on doit voir. Ouais. Il n'a pas trop apprécié quand même, hein, je pense. Gasly est d'une résilience pour rentrer dans le narratif alpine qui me. Et je comprends, hein, c'est son projet, il est là pour 3 ans de plus. Il a raison, hein, c'est pas une critique. Mais je trouve, il est d'un stoïcisme. Alors, il a quand même quelques déclarations de temps en temps où ça pique un petit peu et où il lâche un petit peu sur la voiture en disant que c'est n'importe quoi, que ça marche pas bien et tout, mais. Je le trouve d'une résilience assez phénoménale. Non, et puis l'actu pour Alpine, ça va surtout être, je pense, juste avant le Brésil, où Colapinto devrait normalement être annoncé comme, comme voilà, prolongé pour l'année prochaine. Bon, après, en même temps, qui mettent d'autres hein. Il commence à être au niveau, il est au niveau, commence à prendre hein, de la confiance. Il a énormément soutenu par des sponsors, voilà, ouais. Mercado Libre et autres. Bah, Douane, malheureusement, devrait partir ailleurs. Ouais. Pour la run, on ne saura pas. Donc, puis qui met d'autres, ouais, il y a personne d'autre, enfin, je dirais personne d'autre dispo. C'est faux. Il y a toujours Mick Schumacher qui pourrait être dispo si on l'a play. Il y a des gens voilà, qui existent hein, sur le marché. Mais voilà, des gens qui sont capables de, voilà, d'être dans le projet de Briator, qui ramène de l'argent. Bah, il ne faut pas oublier que Briator, il a payé 20 millions, hein, William Saint, pour avoir que la Pinto. Donc il faut quand même le rentabiliser un petit peu, le garçon avant. Et puis il est bon. Et puis il est bon, oui, voilà, il est en train de reprendre de la confiance surtout. Après avoir été un petit peu malmené, voilà, bah forcément, on veut débarquer en plein milieu de saison sur une mode place que vous connaissez à peine, face à un Pierre Gasly hyper solide sur ses appuis. Je plaisante un petit peu en disant ça, mais voilà, mais hyper solide dans son équipe en tout cas. C'est pas évident d'aller chatouiller. Hein. On sait très bien qu'entre lui et Esteban Ocon, c'était hyper tendu en termes de performance. Hein. C'était un coup à toi, un coup à moi. Donc, aller chatouiller un Pierre Gasly aujourd'hui, certes, avec une nouvelle place. Qui ne suscite pas la plus grande démotivation possible, on va dire. C'est joliment dit. Gasly, voilà. mais ça reste quand même une performance d'aller chatouiller et d'être enfin dans les chronos. Donc en tout cas, s'il est prolongé l'année prochaine, ce ne sera pas volé. Voilà. Clairement, surtout que Gasly fait partie de ces pilotes qui n'ont pas trop de week-end sans. Et Colapinto est arrivé dans des conditions vraiment compliquées. Hein. Faut pas oublier que. Il y a directement l'affaire de la communication de Briator qui dit non, mais il y a 5 courses, non, il n'y a pas 5 courses, machin. Une pression énorme. Et une fois que la pression est partie, on l'a vu se ressaisir. Et je pense que là, il est sur de bons rails. Et franchement, ouais, Colapinto, aujourd'hui, pour moi, il mérite largement sa place sur la grille et chez Alpine. Et de toute façon, encore une fois, pour prendre qui? Parce qu'Alpine, à part mettre un autre débutant, il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, et Paul Aron, il n'a rien prouvé. Hein, même aux échelons d'avant. Donc, bon. Pour moi, je pense que c'est assez logique. Après, voilà. J'ai vu les noobés qui disent c'est terrible d'avoir cette résilience avec encore 3 ans dans l'équipe. Après, je pense que le Gasly dans les médias, c'est pas le Gasly dans les débriefings et dans les réunions. Hein. Je pense qu'il doit montrer un peu plus les dents aussi quand quelque chose ne lui convient pas. Hein. Je pense que l'an prochain, si le projet est raté, on va l'entendre, à mon avis, être un peu plus sévère avec son équipe, je pense. Ils avaient qu'à signer un Perez ou un Bottas avant qu'à dire qu'alors non, ils ont essayé. C'est très intéressant c'est pour ça. C'est eux qui n'ont pas voulu. Perez et Bottas ont refusé Alpine et sont allés chez Cadillac. Hein. Les deux. Clairement. Donc voilà. Et donc le futur champion de la F2 n'aura encore pas de volant à F1. Là, le problème du champion de la F2, c'est qu'il n'a pas d'académie. Et ça, je pense, c'est ce qui lui coûte cher. Et c'est dommage vu le talent que c'est. Parce qu'il faut pas oublier qu'il est champion F3 l'année d'avant. Hein. C'est Leonardo Fornaroli. Mais il n'a pas d'académie et malheureusement c'est un peu ça aujourd'hui. Ça discutait un poil avec Alpine, je crois, avec Briator, mais bon, ouais. Sans. On en a peut-être parlé il y a une ou deux semaines, je crois, je sais plus. Mais sans plus de conviction que ça. Je pense que chez Alpine, ils ont aussi un petit peu marre de payer beaucoup d'essais, des choses comme ça. Là, ils vont peut-être se calmer un petit peu sur le jeune pilote parce qu'ils en ont pris beaucoup. Ils ont dû payer un petit peu, certes ils ont eu du pognon aussi. Hein. Hirakawa, Toyota, ils ont versé. Pas mal de gens ont versé, mais là. Je pense que le but, c'est plutôt de rentabiliser ce qui a été versé et puis financer le programme de 2026 que de soutenir un autre jeune pilote. Quoi. C'est l'immédiat. C'est l'année dernière ou l'année d'avant qu'ils ont fait tester 4 pilotes, je crois, sur la voiture pour savoir s'ils allaient mettre en remplacement d'Ocon. Bon, au bout d'un moment, il faut arrêter un peu les... Enfin voilà, les roulages, c'est bien, mais il faut s'imiter. Et puis, il faut oublier que de toute façon, leur académie est quand même entachée, quoi qu'il arrive, par l'affaire Piastri qu'ils ont raté... Ils ont laissé partir chez McLaren, donc là-dessus, c'est... Si Piastri devient champion du monde, ce serait une belle histoire. Pour lui. On pourrait dire que Alpine serait devenu champion du monde par procuration. c'est nous, ce titre. C'est ça. Je pense que Piastri leur dira... C'est nous qui l'avons formé. Ouais. Il est à nous, ce jeune-là. Il est à nous, c'est ça. Ça, c'est un bon gars. Oui, bon, on n'a pas réussi à le retenir, mais on n'a juste pas son numéro de téléphone. Hirakawa n'est pas jeune, c'est vrai, Hirakawa a 31 ans. Mais il y croit encore. Il y croit encore, ouais. Après, Hirakawa, il est champion du monde d'endurance et vainqueur des 24 heures du Mans, donc sa carrière est déjà réussie. Après, lui, le reste, c'est du bonus. Hein. Je suis pas certain qu'il y ait quand même au niveau de l'F1. Hein. J'ai un peu le doute, je pense que c'est un peu limite. Ah oui, le fameux message des réseaux sociaux de Piastri, c'était incroyable. Toute cette saga était folle. Les 48 heures qu'ont suivi le Grand Prix de Hongrie 2022, c'était quelque chose. Et oui, Sauber était délicat, ils ont même testé Julien Febvre avant ça. Je pense que lui, il a pas. Il a fait ça pour le plaisir. Et apparemment, c'était même beaucoup Villeneuve, de plaisir. Même Villeneuve, il l'a remis dedans. Pour tout. Ouais, c'est ça. On aurait peut-être pu avoir un duo Villeneuve-Febvre en 2023. Mmh. Non, je rigole, évidemment. Il faudrait mettre une. Peut-être que la FIA met en place une somme à allouer à l'équipe qui titularisera le champion F2. Le problème, c'est que tu peux pas forcer l'équipe à titulariser un pilote qui n'a pas. Alors, c'est dommage pour Fornaroli, mais par exemple, moi, j'ai jamais été choqué que Drugovic n'atteigne pas la Formule 1. Il m'a pas semblé. Tu vois, même De Vries est arrivé en F1, mais il met 4 ans à être champion de F2. Il arrive en F1 parce qu'Helmut Marko a une lubie sur lui et. J'allais dire, le voit d'un bon oeil, mais oui. Et en fait, on peut pas. Faut qu'on la fasse, hein, à chaque fois. Ouais, c'est irrésistible. Et au final, c'est des mecs qui ont du mal à être champions en F2. Alors, c'est pas le cas de Fornaroli, encore une fois. Je comprends que les équipes aient pas envie de les engager. Après, Fornaroli, c'est sûr que c'est dommage parce que les mecs qui sont champions F3 en tant que rookie, champions F2 en tant que rookie, je le dis souvent, mais c'est toujours des très bons. Donc. C'est les Piastri, les Russell, les Leclerc et les quatrièmes, c'est. Je sais plus. J'ai perdu. C'est Bortoletto. Ah, c'est Bortoletto. Donc voilà, en tout cas, la F2 est si différente de la F1. Le problème de la F2, c'est que oui, déjà, c'est différent de la F1. Et le problème de la F2, c'est que beaucoup de pilotes se plaignent de l'absence d'équité parce que les voitures sont vieilles, les moteurs sont pas tous dans le même état de ce qu'ils disent. Après, moi, j'ai pas de preuve là-dessus, mais c'est une rumeur qu'on a très souvent. L'entretien des équipes n'est pas les mêmes. Hein. Voilà. Une équipe à l'autre, c'est pas pareil. Exactement. Et en plus de ça, il y a beaucoup de casse moteur et tout qui font que c'est quand même très compliqué d'avoir une saison clean et de vraiment briller en F2, si bien qu'aujourd'hui, les équipes, quand elles voient des talents, les amènent dans leurs académies et les jugent en faisant des essais, des tests et tout ça, et les mettent dans le simulateur, les mettent dans la voiture et voient en leur faisant les échelons gravis aujourd'hui par les pilotes, c'est pilote de simulateur, test de voiture ancienne et de fameux TPC des équipes de F1. Et ensuite, on les met dans un week-end de F1, on voit ce qu'ils donnent et puis etc. etc. Donc. Et oui. Finir en IndyCar après. Ouais, c'est ça, ou en WEC. Mais encore une fois, c'est une voie de garage qui est très belle, hein, je veux dire. Ah oui, c'est magnifique. Quand on voit un Marcus Ericsson qui gagne l'Indy 500 et un Giovinazzi qui gagne au Mans, je veux dire, c'est des pilotes qui ont bien fait. Alors, eux, pour le coup, ils ont bien fait de partir de la F1 parce que si c'est pour squatter en fond de grille ou plutôt aller gagner des courses prestigieuses comme ça, je comprends que certains aient envie de s'accrocher à la F1, mais moi, le premier, je ferais le choix d'aller gagner le Mans, hein, ou l'Indy 500. Tout à fait. C'est assez logique. Voilà en tout cas pour le débriefing de ce Grand Prix du Mexique. La 20e manche sur les 24 que compte la saison 2025 de Formule 1. On approche de la fin, mine de rien. Il reste le Brésil, Las Vegas, le Qatar et Abu Dhabi. On va donc évidemment, comme d'habitude, faire le tour de nos pronostics passés et à venir. Faut que je retrouve. Alors, pour le Mexique. Non, ça, c'est pour le Brésil. Hop, faut que je remonte encore plus. Je laisse meubler parce que j'arrive pas à retrouver le texte. Je ne sais pas chanter, il va falloir attendre. Je suis où là? Il est toujours très organisé en plus. Mais non, mais en fait, on... Ah oui, c'est bon, Mexico, ça y est, je les ai. Oui, tu avais dit Colapinto à Jarstroll. Hein, donc... Ouais, bon, voilà. Non, c'était évidemment le pronostic blague. Alors. Moi, je l'avais dans l'ordre inverse, je crois. Tu avais dit. Attends, j'ai celui d'Alex qui a dit Norris, Verstappen, Piastri. Ouais. Donc, il en a un bien placé, un mal placé. Mais il a le vainqueur surtout. Hein, voilà. Et surtout, il a le vainqueur, ouais, exactement. Toi, tu avais dit Verstappen, Leclerc, Norris. Ouais, moi, je l'ai dans le désordre. Pour deux fois de suite, hein, parce que c'est le même, ouais. Même trio. Et moi, j'avais mis Piastri, Norris, Verstappen. Bon, j'en ai deux mal placés. Ouais. Non, j'en ai un bien placé et un mal placé. On n'était pas si loin. C'était pas trop mal. Hein. J'avais pas bêtement parié sur Russell vainqueur. Et pour... Dit-il, avant d'aborder les prods du Brésil. Et pour le Brésil, Alex a mis Verstappen, Russell, Piastri. Toi, tu as mis Verstappen, Piastri, Norris. Et moi, j'ai mis Norris, Verstappen, Russell. sans conviction. Je sais pas pourquoi je vois pas Piastri un peu en retrait, mais en même temps, je suis pas sûr. C'est toujours le Brésil, ouais, c'est compliqué. Moi, j'ai justifié un petit peu par peut-être le fait que la météo, elle s'annonce pas terrible, terrible. Donc, autant dire que s'il y a de la pluie, une petite pièce en plus sur Verstappen. Voilà, Verstappen, Piastri, Norris, ça serait parfait pour le genre, enfin, parfait pour le championnat. Ça serait l'inverse du trio. Maintenant, l'idéal ce serait Verstappen 1, Piastri, Norris marque pas de points, mais là j'en connais un qui ferait la gueule. Là, enfin. Alors, moi, mon podium idéal serait plutôt Norris premier, Piastri deuxième, ou l'inverse, je suis pas regardant, et abandon de Verstappen. Mais voilà, après, c'est. Voilà, le championnat est pillé, hein, pour McLaren. Ah, moi, ça m'irait bien. Ah oui, non, mais je doute bien. Hein, que ça, non, mais je suis pas contre Max. Weekend moi, sprint en plus, on aurait pu parier le sprint. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je suis étonné que personne ait tenté de mettre un moteur neuf, quitte à prendre 5 places de pénalité sur un Grand Prix précédent. Parce que je me rappelle à quel point ça avait aidé Hamilton en 2021. Je suis étonné que personne ne l'ait fait. Mais bon, c'est vrai que. Parce que le Brésil, il y a quoi dépasser. Hein, faut pas oublier que. Il y a une longue ligne droite et bah, qui gros sait freinage. Selon la météo, si il fait sec, 5 places, ça peut se discuter. Hein. Clairement. Mais bon, clairement. Pas évident non plus. Ça va dépendre aussi de la compétitivité des voitures. Hein. Le train DRS au Brésil, ça peut aussi être catastrophique. Et puis après, si la pluie rabat les cartes, de toute façon, c'est un peu la loterie. On se rappelle que l'an dernier, on n'était pas nombreux à avoir parié Verstappen, Ocon, Gasly. Non, là, c'est sûr. puis alors, cette année, encore moins. Hein. Alors oui, on a parlé de ça, puisque justement, on s'est marré tout à l'heure. Je ne sais pas si les gens se sont posé la question de pourquoi on rigolait quand on a parlé d'un double podium d'Alpine. Mais c'est que même s'ils font 2 et 3 comme ils ont fait l'an dernier, ils sont toujours derniers au championnat, puisqu'ils ont 40 points de retard sur Sauber. Il faut qu'ils fassent 1 et 2 pour qu'ils fassent une place. 1 et 2 et que Sauber ne marque pas de points pour réussir à repasser 3 points devant Sauber. Donc vous imaginez l'ampleur de la tâche qu'attend Alpine s'ils ne veulent pas terminer dernier de ce championnat 2025. C'est ça. Et ben voilà pour l'émission du Mexique. On se retrouve dans 2 semaines pour le débriefing du Grand Prix du Brésil, qui sera la 21e course de la saison. Encore des horaires un petit peu décalés, pas autant que ce week-end et que le week-end dernier. Ce sera plutôt sur de la fin d'après-midi. Grand Prix à 18h, mais moi, on vous dira de toute façon tout ça, évidemment, comme d'habitude, dans la semaine qui précède le Grand Prix. D'ici là, vous Merci suivez. Merci pour la fidélité. Évidemment. Merci à tous et toutes, évidemment, d'avoir bon été présents. Bon week-end du Mexique. Ouais. C'est content. Pas mal de monde. Merci de lire toujours nos articles, de nous soutenir en nous lisant, parce que c'est le plus important. Quand vous avez lu un, n'hésitez pas à en cliquer sur un deuxième, voire un troisième. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Quand vous nous voyez dans Discover, n'hésitez pas à cliquer dessus aussi, même si vous restez juste sur la page, mais c'est toujours bien. Et puis, on reste avec vous, évidemment, jusqu'au Brésil pour toutes les news. Hein. Il reste encore du débriefing du Mexique à faire, parce qu'on n'a pas encore tout posté, puis après il y aura forcément quelques news. D'ici là, on n'aura sûrement pas d'annonce chez Red Bull, donc probablement pas d'émission spéciale, mais bon, peut-être chez Alpine pour Colapinto. Voilà, exactement. Ça se passe avant le Brésil. Et puis ouais, comme le dit Yves, n'oubliez pas de mettre votre abonnement Amazon sur notre Twitch si vous l'avez, comme ça permet de nous aider aussi. Et puis portez-vous bien d'ici là. Merci Franck aussi d'avoir été là ce soir. Merci Manu, merci à tout le monde, merci à Alex aussi pour son soutien, même s'il n'était pas là. Voilà. Et oui, il pleure pour Alpine, donc c'est pour ça qu'il n'était pas là. Et puis on se retrouve très vite, et bonne soirée, ciao. Bonne soirée, ciao, ciao.